Parce que j'aime bien, moi, j'aime bien m'appuyer sur ce qui a déjà été fait. Et créer des groupes, on va dire, à 90%, si possible, même 100%, si je pouvais, je recruterais pas, quoi. À moins que j'ai vraiment une pépite qui arrive. Et je me dis, quand tu donnes l'occasion d'un un gamin qui est dans sa ville, qui plus est, de jouer en équipe première et de porter les couleurs fièrement de sa ville, enfin, pour moi, c'est un plus, quoi. Parce que je sais que le mec, il va se taper. D'où la maxime, jouer pour apprendre et apprendre pour mieux jouer. Je trouve que là, par rapport à la France métropolitaine, la Corse, c'est un vrai pays de football. C'est vraiment une passion, c'est le sport numéro un, et ça fait partie de la culture. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes et à tous. En fonction du moment de la journée que vous choisissez pour écouter cet épisode, en fonction de là où vous vous situez sur notre très chère planète, mes salutations devraient convenir à tous les francophones. Une fois de plus, je remercie Baptiste Borrello pour le temps qu'il m'accorde d'avoir partagé ce podcast. D'ailleurs, pour la petite anecdote, nous échangeons pendant un confinement, épisode 2, confinement en France, épisode finalement peut-être de circonstances, retour vers le futur. Je ne ferai pas les présentations de Baptiste, il le fera beaucoup mieux que moi. Néanmoins, je peux vous signaler que nous aborderons une partie de son parcours, qui l'a notamment fait évoluer au sein du même club pendant de nombreuses années, justement qui lui a permis d'évoluer sur le climat d'apprentissage qu'il aime mettre au sein des équipes qu'il entraîne. Il nous fera découvrir le football corse, il nous fera découvrir aussi ses aventures qui l'ont mené notamment en U17 nationaux, à un niveau très élevé, et maintenant en U20, je vous souhaite une excellente écoute. Tu m'entends bien ? La première question la plus importante. Je t'entends parfaitement bien. Ah, super. Cool. Ouais. Et toi, est-ce que tu m'entends bien ? Ouais, nickel. Ouais. Tout va bien. Ok. Ça va, t'as pu t'ajuster niveau organisation, niveau planning ? Ouais, bah écoute, moi, dès la semaine dernière, quand tu m'avais dit, après, j'avais préparé. Hein. Mm-hmm. D'accord, ok. C'est parfait. Voilà. Ok. Ouais, ça va, tout se passe bien. Il n'y a pas de foot durant le week-end. Ouais. Non, pas pour l'instant. Franchement, ça manque un peu là. Je commence à être comme un toxico du foot. Ouais. Bon, après, tu sais, on prépare la saison, donc on essaye de voir ce qui va être faisable. Ça. Et puis, ouais, ça ressemble à quoi ton quotidien là en ce moment? Concrètement, j'ai le télétravail dans la journée, et puis après, on essaie de joindre les joueurs qu'on n'a pas encore eu au téléphone. J'ai déjà préparé mon staff en partie. Il faut que je continue à recruter sur des postes où j'ai des besoins. Donc, j'ai fait la plus grosse mission, c'était recruter un gardien, c'est fait. Et puis voilà, après, on essaye de préparer les trucs avec le staff. Voilà, on communique beaucoup avec la nouvelle structure parce que c'est une nouvelle structure, donc voilà. C'est-à-dire ? Ah, par exemple, moi je pars de Saint-Gratien pour aller vers Saint-Ouen-l'Aumône. D'accord. Ah oui, c'est ça, tu m'en avais fait part la semaine dernière. Ouais. Ouais. Donc je pars sur les U20 et donc bah voilà, je connais pas encore bien le milieu, donc je communique beaucoup avec le coach G18, avec l'ancien coach des U20. Je parle beaucoup au président, je parle beaucoup au secrétaire, au coordinateur technique senior. Donc voilà, c'est pas mal d'échanges pour savoir un peu comment ça se passe, comment ça va être mis en place la saison prochaine, quels sont les objectifs. J'ai beaucoup de contacts avec le coach de la première, d'accord. Ce qui est vachement bien. Parce que vous connaissiez déjà ou... Parce que en fait, j'avais eu, à l'époque, quand j'étais sur les 19 nationaux, j'avais eu l'occasion d'entraîner son fils. Dans... Et pendant le... À Saint-Ouen, à Saint-Ouen-Saint-Gratien. D'accord. Ouais, en 19 nationaux. Et en fait, il s'avère que cette année-là, c'est l'année où on change de poste. En fait, ils mettent un nouveau coach après deux saisons. Et en fait, ce gamin qu'on voulait recruter, finalement, il n'est pas recruté par le nouveau coach. Et donc, bah, nous, on avait gardé contact, quoi. D'accord. Ok. Ok. Voilà. Et ouais. Là, c'est construction de l'effectif, si je comprends bien. Est-ce que ça ressemble à quoi globalement, un peu niveau foot ? Tu te concentres sur quoi ? Tu viens de le signaler un petit peu, mais Qu'est-ce que, mis à part l'effectif, là, qu'est-ce que tu commences à faire Moi, concrètement, déjà, les premières choses que j'ai faites avant même d'avoir les joueurs, c'est que j'ai appelé les coachs. Donc, j'ai appelé les coachs et je voulais avoir leur ressenti sur ceux qui restaient au club. D'accord. En tout cas, ceux qui, a priori, auraient été U20 sur la saison à venir. Mmh. Et en fait, je leur ai demandé leur avis sur leur groupe, comment s'était passée leur saison, même si je m'étais déjà renseigné au préalable. À savoir qu'est-ce qu'ils avaient fait de leur saison en termes de compétition, où est-ce qu'ils en étaient, etc. Puis après, je leur ai demandé leur avis sur les joueurs, etc. Parce que j'aime bien m'appuyer sur ce qui a déjà été fait et créer des groupes, on va dire à 90% si possible, même 100% si je pouvais, je recruterais pas, quoi. À moins que j'ai vraiment une pépite qui arrive. Je suis pas friand de ça, en fait. C'est un groupe que t'as déjà rencontré, là? Pas encore. D'accord. C'est un groupe que j'ai pas rencontré. Les seuls échanges qu'on ait eus pour l'instant, c'est des échanges vocaux. Donc, je les ai appelés. Certains avec une partie du staff, d'autres tout seuls parce qu'ils avaient pas répondu au premier appel. Et donc, voilà, c'est des échanges, un petit peu de présentation, savoir qui fait quoi. Parce que comme on passe de U18 à U20, t'as pas mal de gamins qui passent aussi sur des études supérieures. Et du coup, faut se préparer à ça, en fait, parce que t'en as qui vont pas forcément pouvoir continuer. T'en as qui ont la volonté d'aller jouer en 19 nationaux. Donc, ils cherchent des clubs et t'en as qui ont envie de rester. Et c'est très bien parce que le club a décidé vraiment de miser sur ces jeunes et je trouve que c'est plutôt une politique en tout cas, moi, qui me plaît. Okay. Me plaît parce que pas forcément aller chercher à gauche, à droite. S'appuyer sur quelque chose qui est déjà vivant dans le club. Moi, j'aime pas trop les mercenaires. Moi. J'aime pas trop les mercenaires. Et je me dis, quand tu donnes l'occasion d'un gamin qui est dans sa ville, qui plus est, de jouer en équipe première et de porter les couleurs fièrement de sa ville... Enfin, pour moi, c'est un plus, quoi. Parce que je sais que le mec, il va se taper. Ok. Je vais te couper, là, parce que t'as vu, je suis tout de suite rentré dans le vif du sujet, parce que c'est vrai que le contexte actuel est amené à nous permettre d'avoir du temps, certes, pour pouvoir échanger, toi et moi, mais c'est aussi l'occasion de... En tant qu'entraîneur, j'imagine, d'avoir des réflexions différentes sur comment faire une transition... comment terminer une saison, comment en attaquer une autre. Et c'est vrai que c'est pour ça que là, j'aime bien poser des questions un peu spontanées sur qu'est-ce qui se passe et tout. Mais on va y revenir un peu plus tard. J'avoue que il n'y a pas de ligne directrice. Toi qui as déjà écouté quelques épisodes, c'est vrai qu'il m'arrive de partir un peu. Mais je vais faire quand même les choses un peu bien. Déjà la première question que j'aime bien poser, c'est quand même, est-ce que tu vas bien? Ah ouais, franchement ça va, hein, je suis dans une bonne période, on va dire. D'accord, ok, ça c'est la première question. Après, niveau logistique, est-ce que t'es sous batterie, est-ce que t'as prévu, est-ce que ça va? Je suis branché de tous les côtés, mon gars. Ok, ouais. C'est... On dirait une usine. C'est vraiment par précaution, mais on sait jamais. C'est au cas où. Ouais, non, je suis. Normalement, j'ai de la batterie dans mon casque. J'ai de la batterie. Je suis branché sur mon PC pour pas que ça coupe. D'accord. Okay. Voilà, je suis au max. Je me suis prévu une petite bouteille d'eau avec un petit verre. Je suis préparé. Ouais, non, c'est ce que j'allais dire aussi. J'allais te dire, est-ce que tu as combien de temps un peu devant toi là? Moi, j'ai tout le temps qu'il te faut. Je t'avais dit, tu me dis juste et je me prépare en fonction d'eux. On en rigole, mais c'est facile. Enfin, c'est peut-être plus facile parce que même si on ne s'est pas côtoyé de près ces dernières années, on se connaît un petit peu et c'est vrai que c'est plus facile, mais c'est quand même un luxe. Ce temps, c'est quand même un luxe et moi, c'est clairement une opportunité que je tenais à saisir pour justement avoir l'occasion de parler un peu de foot, d'avoir l'opportunité de regarder autour de moi le fait qu'il y a des parcours qui sont extrêmement intéressants et de prendre le temps de, bah, comme tu, presque je peux utiliser les mots que tu as utilisés par rapport au podcast que j'ai fait avec Vasile, c'est un peu découvrir des personnes qu'on a côtoyées, qu'on a finalement pas si bien, avec lesquelles on n'a pas forcément tant échangé, on n'a pas eu l'opportunité parce que l'emploi du temps est assez chargé pour tout le monde. Et puis je me suis dit, bah, c'est ça, je pense qu'autour de moi il y a des personnes pour lesquelles le parcours m'intéresse beaucoup, et j'aimerais profiter de cette opportunité là pour partager, et pour éventuellement partager aussi un plus grand nombre, et ça a été l'occasion pour moi d'entrer en contact avec toi, je tiens à te remercier d'avance pour fait que tu aies accepté. Je t'avoue que moi je vis ça comme une conversation de collègues. Ouais, franchement, je le vois pas autrement. Exactement. Ouais. Parce que je l'ai déjà dit, de toute façon, moi je suis pas journaliste, je suis pas un spécialiste de l'interview, et puis c'est vraiment l'occasion. Ça m'avait vraiment marqué quand j'avais écouté Vasile, et je me suis dit, mais en fait, je le connaissais pas si bien en fait. Je le connaissais en tant que collègue, quoi, camarade de classe, mais j'avais jamais autant creusé, disons, sur la personne. Après, tu sais, t'as forcément des affinités qui se créent plus ou moins. Après, moi, j'ai quelqu'un d'assez discret, donc je vais pas tout de suite forcément fort vers les gens, mais. C'est marrant d'avoir redécouvert Vasile, et ça me donne une autre image de lui, en fait. Mince, j'ai perdu ce que j'allais dire. Parce que, justement, en prenant connaissance de ton parcours, il faut signaler que moi, ça fait presque 3 semaines que j'ai pas fait, que j'ai justement pas fait de conversation comme ça, de podcast avec personne, parce que j'en ai pas mal enchaîné pendant le confinement. Et puis à un moment donné, j'en ai presque fait 3 en une semaine, et je trouvais que ça enchaînait, je perdais un peu la fibre, vraiment, tu sais, le plaisir de vraiment échanger, et en fait, c'est pas ce que je veux. Et là, franchement, autant j'appréhende un peu parce que ça fait un petit moment, parce que ça fait 2-3 semaines, mais autant je suis vraiment content. Parce que justement, j'ai l'esprit qui est complètement frais, et je repars dans un exercice que je sais que j'avais apprécié. Et je sais que ça va être. Et justement, la transition avec Vasile est intéressante parce que ça permet de rappeler que c'est là où on s'est rencontrés, justement, en STAPS, pour c'est faire ça. Le lien. Carrément. C'est exactement ça. Ouais. C'est. Ce que je peux partager, du coup. Je vais faire une petite introduction. Donc, Baptiste, merci de m'offrir de ton temps. Bienvenue sur le podcast qui petit à petit prend forme, l'aventure prend forme, et les rencontres commencent à s'accumuler. Et je te remercie pour ton temps. Bah, écoute, c'est un plaisir. Hein. J'avais hâte, un peu d'excitation presque. Et il faut signaler, ce que je vais signaler avant de te poser peut-être ma première question. C'est, en l'occurrence, toi, tu n'as pas forcément voyagé, et tu m'as mentionné, c'est peut-être que mon profil correspond pas à ta démarche, etc. Mais en fait, moi, justement, je vais, pour te l'avoir signalé, je vais le répéter un peu pour que ce soit par rapport à mon parcours. C'est vrai que j'ai rencontré pas mal d'entraîneurs, et maintenant que ça fait plusieurs années que j'ai... on va dire à peu près quitter Paris, où je me suis expatrié depuis plusieurs années, je m'éloigne un peu du football francilien, du football en métropole, du football à Paris. Et c'est vrai que l'occasion d'échanger avec des entraîneurs qui sont encore à Paris, la richesse de ce secteur, justement, pour le football européen, pour le football mondial, c'est une occasion pour moi de revoyager un peu dans un football qui s'éloigne. Et surtout à travers ton parcours, parce que toi, tu n'es pas de Seine-Saint-Denis, tu es d'un département différent, mais je pense que c'est l'occasion pour moi de repartir un peu, découvrir le football en métropole parisienne. C'est aussi pour moi l'occasion de redécouvrir, de partager éventuellement avec des francophones du monde entier comment se déroule le football à Paris. Et c'est également pour moi d'aller te poser quelques questions, notamment sur la façon dont tu t'es formé, parce qu'il y a quand même des trucs qui sont extrêmement intéressants, notamment les différents rôles que tu as joués dans différents clubs. Et je sais que tu as déjà notamment parlé de la notion de mercenaire. Et moi, j'aime bien le fait que justement, la plupart du temps, tu passes quand même pas mal de temps dans la même région, dans les mêmes clubs. Même sans avoir fait un tour un peu sur ton parcours par curiosité, je savais déjà quasiment le parcours que tu avais mené par loyauté, par cette qualité-là que je m'en souviens. Et donc la petite cerise sur le gâteau, c'est que les gens ne le savent peut-être pas, mais c'est que c'est ça, tu t'appelles Baptiste Borello, et moi ça fait moi je le vois tout de suite. Les gens ne le savent peut-être pas, mais moi j'ai passé sept étés de suite, plusieurs étés de suite en Corse. J'ai un petit un faible pour la Corse, notamment pour le football corse, et il s'avère que voilà, tu as une sensibilité, tu as une affection particulière pour le football corse. Donc, merci de m'avoir laissé un petit peu parler pour introduire tout cela. Et puis, je peux me permettre de te poser ma première question, Baptiste, après avoir pris un petit peu trop la parole. Du coup, la question la plus importante, Baptiste, que je veux te poser surtout, c'est peut-être parce que moi, je te connais, mais s'il y a des personnes qui ne te connaissent pas, comment tu te présenterais ? Je me présenterais tout simplement. Déjà, je m'appelle Baptiste Borello. Je suis éducateur de football et entraîneur et plein d'autres choses, plein de casquettes. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard. J'ai commencé à entraîner dans le petit club dans lequel j'ai commencé à jouer quand j'étais petit, qui est à Aizenville. Puis petit à petit, mon parcours s'est un peu étoffé. J'ai continué d'entraîner. Je suis arrivé en STAPS. J'ai passé mes formations. D'ailleurs, le STAPS, c'est là où je vous ai connu, toi et Vasile, notamment, dans le foot. Et puis après, j'ai continué à faire des formations. Et j'ai très peu changé de club dans mon parcours. Et j'étais à l'Anton de Sannois-Saint-Gratien pendant un certain temps, et voilà, aujourd'hui, je passe sur un nouveau projet à Saint-Ouen-l'Aumône. Voilà, pour la petite présentation, sans trop en dévoiler non plus. C'est, au même titre que les éducateurs, que les entraîneurs que j'ai rencontrés précédemment, toi qui t'es justement un parcours qui commence à être riche, est-ce que tu serais capable de te souvenir les premiers prémices? Un peu là où ton parcours dans l'entraînement, ton parcours sur les terrains en tant que pédagogue a commencé. Ouais, je me souviens bien, c'était j'étais dans le premier club où j'ai joué au foot. Je suis un joueur comme l'éducateur que je suis. C'est-à-dire que j'ai pas fait beaucoup de clubs, j'ai fait un club, et il y a une année où j'avais changé en tant que joueur. Et finalement, je suis revenu à la maison parce que ça me convenait pas. Mais globalement, j'ai commencé à l'USE, donc c'est le petit club de la ville d'Aizenville, qui se situe à côté de Sarcelles dans le Val d'Oise. Et je devais avoir une quinzaine d'années, donc j'étais en troisième ou en seconde, je sais plus exactement. Et un jour, moi, je faisais partie un peu des meubles des joueurs qui étaient là depuis très longtemps, et celui qu'on appelle Dédé, c'est André Mercier. En fait, André Mercier, un jour, parle à mon père et propose à mon père de m'emmener pour voir ce que c'est être éducateur. Et je pense qu'ils avaient besoin d'éducateurs à ce moment-là. Moi, j'y avais jamais spécialement pensé. Puis, en fait, un jour, j'arrive sur le terrain. Donc, on me met avec des tout-petits, des débutants. Aujourd'hui, ça devait être des... Si on compare avec les catégories, aujourd'hui, ça devait être des... U7 ou U8. Et donc, on me met avec un tout petit groupe de gamins, avec donc 8 petits, donc sur le stade municipal qui, à l'époque, était en herbe. Et on me dit, aujourd'hui, on va faire une séance sur ça, les ateliers sont déjà préparés, tu suis ton groupe, tu passes avec eux, tu fais les démonstrations et tout ça, et tout ça. Et donc, c'est comme ça que je commence un mercredi après-midi où je me pointe, il fait super beau, les gamins sont là et on commence les séances. Et c'est drôle parce qu'à ce moment-là, tu prends conscience de ce que c'est que d'être éducateur au-delà du fait de transmettre du football. Il faut que tu transmettes autre chose, tu dois transmettre les valeurs du club, tu dois transmettre ton parcours, ton savoir, l'envie que tu as et être capable de faire comprendre. Moi, ça m'a, comme exercice au tout départ, la première séance que je fais, je me souviens, c'est dur parce que j'ai un petit gamin que j'affectionne beaucoup, que j'ai toujours en contact, qui me dit comment on fait une bonne passe. Et moi, dans ma tête, c'est devenu un geste automatique, une passe. Mais l'expliquer et le décomposer pour le petit, je me dis ouais, c'est super dur à expliquer. Toi, il y a des choses qui te paraissent innées. Et tu dois expliquer quelque chose. Le verbaliser. Pour toi, et voilà, il faut le verbaliser, il faut le décomposer, en fait. Et en fait, à ce moment-là, tu te dis, ouais, c'est dur quand même. C'est dur, mais à la fois, c'est excitant dans le sens où tu te dis, si j'arrive à lui expliquer et qu'il arrive à maîtriser un geste, parmi son parcours de formation, j'y serai pour quelque chose, peut-être. Et c'est ça. Et après, tu fais quelques séances le mercredi, t'es pas vraiment éducateur, tu viens juste aider les éducateurs qui sont déjà en place, qui étaient mes propres éducateurs il fut un temps. Et en fait, tu viens les aider à former un maximum de joueurs pour ton club, pour tes couleurs, et c'est vachement sympa en fait. Et puis après, tu connais les plus petits, donc tu les vois progresser, tout ça, c'était agréable. Et c'était juste le mercredi au début, le mercredi après-midi, tu venais donner 2 heures de ton temps, puis après t'enchaînais tes propres séances le soir. C'était bien, c'était très agréable, donc voilà, ça se situe à peu près là, donc il y a les envies à l'USE. Tu m'as dit en seconde, hein, c'est ça ? Troisième ou seconde, je crois que j'ai commencé en troisième, moment, t'as... j'ai poursuivi en seconde l'année d'après. Ouais, t'as 15-16 ans à peu près. Ouais, à peu près, c'était plus 14-15, mais... Ok. Voilà, c'était les premiers. Du coup, je peux te reposer la première question que j'avais en tête, c'est quand tu me dis, bah, c'est ça, tu commences, t'es en troisième, t'es en seconde, t'as 14-15 ans, qu'est-ce qui te fait dire, maintenant, avec un petit peu de recul, pourquoi on te propose de devenir éducateur ? Pourquoi ? Déjà, je pense qu'il y a le fait que j'ai joué pendant très longtemps dans le club, depuis que j'étais petit, jusqu'à senior, en fait. Après, plus tard, je savais pas que j'allais aller jusqu'en senior, mais ça faisait très longtemps que j'étais là. J'étais quelqu'un de très sérieux. J'ai jamais raté un entraînement, même blessé, j'allais m'entraîner. Je serrais les dents et j'y allais quand même. Alors ça, c'est une de mes erreurs en tant que joueur, mais j'ai jamais dit à un de mes coachs que j'étais blessé. Alors qu'aujourd'hui, je le déconseille fortement à tous les joueurs. Mais ouais, pourquoi ? Ne jamais faire ça. Parce que j'estime que pour la progression d'un gamin, il doit être conscient que le fait de dire à son coach, même s'il a très envie de jouer, qu'il est blessé, ça fait partie de son cursus de footballeur, qu'il doit apprendre aussi, à écouter son corps et qu'il doit apprendre aussi à le respecter, surtout parce qu'à un moment c'est ton outil de travail et si tu entre guillemets forces sur la machine, à un moment les rouages finiront par péter. C'est le préparateur physique qui parle, c'est l'entraîneur, c'est l'éducateur. Avec le recul du prépa et de l'entraîneur, parce que j'ai eu des expériences par la suite qui m'ont montré que malheureusement, quand tu forces trop sur la machine, ça finit par péter. Et j'ai des exemples concrets. Je peux y venir maintenant ou tu veux qu'on... Ah, vas-y, tard, fonce. Peut-être. Moi, j'adore les anecdotes. Oh non, vas-y, fonce. Écoute, pour te faire simple, l'année où je commence à entraîner en 19 nationaux en tant qu'adjoint, donc je travaille avec Zachary et Tundi. D'ailleurs, je t'en parlerai un peu plus de Zachary, ouais. Puisque ça a été un... Je sais que tu aimes bien parler des mentors et ça fait partie des personnes que j'affectionne énormément, vraiment énormément, et avec qui j'ai passé peut-être, en tout cas, les deux saisons les plus palpitante de ma jeune carrière, on va dire. En U19 national. Ouais, c'est ça. Et donc, on commence cette première année à travailler ensemble, un peu par hasard d'ailleurs, parce que je travaillais déjà en tant qu'adjoint en U15 DH. Et j'étais également responsable des débutants, donc j'avais beaucoup, beaucoup de casquettes cette année-là. J'étais tous les jours sur le terrain. Et il s'avère qu'il me propose de venir l'aider sur la prépa d'avant-saison. Et j'accepte avec plaisir, parce que je me dis, voilà, même si je ne fais pas la saison complète, faire une prépa physique d'avant-saison pour des U19 nationaux, dans la poule, il jouait dans la poule Est, donc c'est-à-dire la poule de Dijon, de Auxerre, etc. Je me dis, c'est quand même vachement, vachement intéressant. Et il s'avère que cette même saison, j'ai un gamin que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui maintenant joue en National 2 dans l'équipe du club de Saint-Martin-Saint-Gratien. Et en fait, ce garçon, il a des grosses capacités physiques, mais il a une blessure au genou qui est récurrente. Et j'apprends en fait par la suite, parce que j'avais pas encore réussi à avoir autant d'infos que je le souhaite, tant sur le plan footballistique que privé des joueurs. J'aime bien avoir une idée de leur situation privée pour mieux pouvoir dialoguer avec eux. Mais en fait, j'apprends que ce gamin-là, il fait de la prépa physique à l'extérieur, ce que je trouve plutôt pas mal parce que ça a aussi ses qualités et malheureusement ses défauts. Et en fait, le défaut concret, c'est que ce gamin avait donc des douleurs au genou qui étaient récurrentes. Et un jour, ce gamin, ça a pété, en fait. Ça a pété parce que trop de séances, trop d'entraînement. Et en fait, je pense que la personne, je ne veux pas citer son nom pour pas le mettre en défaut, mais la personne qui a travaillé avec lui, elle a pas pris les informations auprès du club avec qui il s'entraînait, donc, c'est-à-dire nous. A fait de sa tête et du coup il lui a fait en fait il lui a complètement dommagé le ménisque, il a dû subir une opération par la suite. C'est un joueur qui peut plus jouer là lui. si il joue à l'heure actuelle, il joue, okay. Mais il a perdu sa progression a été saison, ouais. Voilà. Sa progression a été et biaisée coup, comment bah, tout à fait, ouais. Ouais, j'oublie pas où on en était hein. j'en oublie pas où on en était par rapport au fait que tu par rapport à comment tu es devenu éducateur, on va y revenir, mais justement je profite de l'ouverture de la perche que tu m'as lancée, mais par rapport à ton expérience, comment on fait la différence entre une blessure ou une gêne sur laquelle on peut continuer à jouer ou celle où il faut s'arrêter, parce que j'imagine que toi en tant qu'éducateur, en tant que préparateur physique ou entraîneur, tu recommandes pas forcément aux joueurs de s'arrêter à la moindre douleur. Il faut écouter son corps, certes, mais... Oui, bien sûr. Après, évidemment, ça relève de... Bah, toi, je t'apprends rien, mais ça relève quand même d'un niveau de proprioception, de qualité de la part du joueur. C'est-à-dire que nous, il peut nous révéler des informations. L'objectif, nous, c'est quand même d'avoir quand même les antécédents de blessures à travers les divers échanges qu'on a avec lui, éventuellement ses anciens coachs si on a la possibilité de le faire, et d'avoir quand même un suivi très rapproché de ce qui peut potentiellement lui arriver et de ce qui lui est déjà arrivé. Et en fait, vis-à-vis de ça et des connaissances que tu as du joueur, il est possible qu'à certains moments tu vois qu'à un moment il commence à traîner la patte. Alors bien sûr, ça peut être évidemment sur plusieurs facteurs, il traîne la patte parce que aujourd'hui l'entraînement est plus dur ou moins attrayant que ce qu'il aurait attendu, donc il traîne la patte. Mais là, ça relève pas d'une douleur. Après, il peut y avoir un choc. Un choc qui est ce qu'on appelle un traumatisme aigu, c'est-à-dire c'est un coup qui peut casser net, entre guillemets. Après, voir la gravité de ce choc, et après, il y a les blessures qu'on dit chroniques. Et donc ça, c'est toutes les personnes, et les joueurs, les athlètes qui sont sujets... Par rapport à leur biologie, si je peux dire, qui vont être récurrentes et qu'on va devoir traiter de manière plus appuyée et dans le temps. C'est-à-dire qu'une personne qui a tendance à se faire régulièrement des entorses de la cheville, on sait qu'on va avoir un travail qui va être spécifique au niveau justement du renforcement de la cheville, de savoir si c'est une entorse interne, externe, qu'est-ce qui a été endommagé, qu'est-ce qu'on peut traiter, qu'est-ce qu'on peut soigner, vers quoi on peut l'envoyer pour renforcer, que ça soit kiné, ostéo, chiro dans certains cas. Et les différentes pratiques qu'on peut lui soumettre pour que lui aussi prenne conscience qu'il doit être responsable de son corps et qu'il doit aussi faire des choses par lui-même pour se soigner. Ouais, j'avais pas prévu d'attaquer comme ça, d'introduire comme ça notre sujet. C'est venu sur la table, donc je le refuse pas. Mais on a quand même, c'est bien conscience que souvent sont les joueurs de haut niveau qui après quand il y a prescription, ils te disent « j'ai joué blessé, à ce moment-là, j'ai joué sous infiltration, à ce moment-là, tac ouais. ». Ça arrive quand même régulièrement. Je pense qu'à ton niveau, U19 nationaux, pour ceux qui ne connaissent pas trop, U19, donc moins de 19 ans, ce qui se fait de mieux en France, enfin les meilleurs joueurs de 18-19 ans en France, c'est un niveau excellent. C'est ces joueurs-là qui jouent justement la Gambardella, donc une compétition de très très haut niveau. Ouais, quasiment le dernier niveau avant d'atteindre éventuellement le niveau professionnel. C'est des joueurs qui sont en négociation ou qui commencent à pouvoir envisager un contrat pro, en tout cas qu'ils l'ambitionnent. Donc comme tu signales, à ce moment là quand arrive une blessure, c'est vraiment pas le bon moment. C'est vraiment pas, enfin il n'y a pas de bon moment pour être blessé, mais c'est vraiment une catégorie extrêmement relevée, extrêmement compétitive. Et moi, je te pose une question, c'est Baptiste, aussi intègre que je te connais, c'est est-ce qu'il t'est pas arrivé parfois ou une fois ou tu sais de faire jouer justement des joueurs où moi j'ai pas entraîné à ton niveau, j'ai entraîné des joueurs de 5 ans jusqu'à 30 ans certes, avec parfois un niveau de compétition plus ou moins relevé. Néanmoins, il m'est déjà arrivé de me poser la question. Est-ce qu'à un moment donné, c'est intègre de le faire jouer à ce moment-là, à ce poste-là, dans ce contexte-là, dans cette adversité-là? Comment tu prends tes décisions? Comment tu prends ta décision où tu sens que, voilà, je sais pas, il reste 20 minutes de jeu, finalement, tu le laisses sur le terrain. Ton joueur sur le terrain est blessé, changement pour poste, c'est mieux préféré, mais tu sais que sur le banc, il n'est pas très bien, tu aurais préféré le garder, mais finalement, tu le fais rentrer. Tu sais, elle se perd comment, cette décision? Est-ce que c'est moi ou ça t'est jamais arrivé? Bien sûr, il n'y a pas d'éducateur parfait. À un moment, tu as ton œil d'expert et tu en as toujours qui arriveront à feindre ou à faire du déni et à passer à travers les mailles du filet. Mais ton objectif, c'est quoi concrètement? Après, moi, mon objectif, il était clair. C'était former un maximum de joueurs pour alimenter dans les années futures notre équipe nationale 2, ou nationale puisqu'elle était en nationale avant d'être reléguée. Bien sûr qu'à un moment tu fais des erreurs et que tu vois pas forcément, par exemple pendant un match, le gamin arrive, il est à 100%, il prend un petit choc, ça peut l'entraver, si je puis dire. Bien sûr que tu peux avoir une absence là-dessus et ne pas le voir tout de suite. Mais généralement, tu finis par le détecter. Et après, là où on fait une différence, en tout cas pour ma part, après, je pense que c'est pour la majorité des staffs, je pense, en tout cas, qui ont été formés dans cet objectif-là. Je parle en tant que préparateur physique l'équipe des 19 nationaux que j'étais. On arrive quand même à faire un distinguo entre une vraie blessure et un bobo. C'est-à-dire qu'on sait à partir de quel moment on peut laisser quand même jouer un joueur sur le terrain. Et je pense qu'à ce niveau-là, quand tu sais que c'est un bobo sur le match, tu peux juger ou pas du fait qu'il soit en capacité de tenir son poste et d'être performant. Et à contrario, pour ma part en tout cas, j'ai toujours refusé qu'un joueur que j'estime pour ma part blessé et pas forcément dans les conditions dans lesquels il devrait être pour jouer, je ne l'ai jamais fait jouer. D'accord. Je pars du principe que s'il y a un risque, on est sur de la formation, on doit pas chercher du résultat. On doit chercher, même s'il y a une compétition de 19 nationaux, mais on ne doit pas chercher du résultat, on cherche de la formation. Donc, à partir de là, quand il y a un risque, on le prend. Ok, du coup, revenons-en. Merci Baptiste. Donc, c'est un peu ça, sur justement ta faculté, hein, j'en reviens un peu où nous en étions, ta faculté justement à être constamment à l'entraînement, le sérieux, la rigueur qui aurait pu permettre qu'on te propose de passer du rôle de joueur au rôle d'éducateur. C'était un peu ça la question initiale. Complètement. D'accord. Tout à fait, ouais. Bien. Ok, est-ce que du coup, c'est... J'ai déjà posé la question, mais je suis curieux de le savoir à une autre personne. Est-ce que c'est ça qui t'amène vers STAPS ou c'est finalement le fait d'être à l'université qui t'amène à devenir éducateur? Est-ce qu'il y a un lien ou pas forcément? Pas forcément, parce qu'en fait, je commence à être éducateur avant même d'avoir le bac. D'accord. Donc, du coup, je suis pas forcément là-dessus. J'adore entraîner, parce que les années suivantes, je continue à entraîner et j'adore ça. J'y prends vraiment plaisir. Mais en fait, j'ai pas les instruments et la connaissance pour me rendre compte qu'il y a des formations qui sont liées à ça. Et du coup, suite à mon bac, donc je fais un bac ES. Franchement, je sais pas trop vers quoi me diriger. J'aimais bien le fait de pouvoir quand même transmettre, par exemple être instituteur ou prof. Et du coup, je me dirige vers une licence en administration. Et ça se passe extrêmement mal pour moi et je comprends que c'est pas du tout fait pour moi, ce genre d'études. Et en fait, c'est par la connaissance d'un mec avec qui j'étais au collège, qui lui était en STAPS à Bobigny, qui me dit « Mais t'as jamais pensé à ça ?» Et puis il commence à m'en parler, tout ça, et puis... Ça m'intrigue. Donc, je pose des questions sur qu'est-ce que le cursus STAPS. On en discute et tout ça. Je prends mon ordinateur, je vais chercher. Et ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Et en fait, là, pendant l'année où je suis en AES, en décembre, je décide d'aller directement à la fac de Bobigny. Et en fait, j'amène mon dossier et je dis voilà, je voudrais me réorienter. J'ai fait une erreur dans mon parcours. Et aujourd'hui, je sais que via la formation que vous proposez, moi, je peux m'accomplir. Et en fait, je suis accepté, on va dire, un peu avant tout le monde pour ma première année de STAPS. Et c'est comme ça que j'arrive en STAPS derrière. C'était quoi le projet? C'était quoi, quand tu dis t'accomplir, c'était... Ouais, c'était quoi Quand je peux m'accomplir. C'est-à-dire qu'à la base, moi, j'arrive en STAPS parce que déjà, on m'a parlé du cursus, de sur quoi ça peut déboucher. Et moi, étant entraîneur, en plus, ça m'arrange parce que bah, je me dis bah, c'est cool, je vais avoir des billes en plus. Je savais qu'il y avait aussi la possibilité de passer par une passerelle qui n'existait plus l'année où... C'est celle de pouvoir aller aussi faire ostéo. Exact. Oui. En fait, il y avait une passerelle entre Bobigny et l'école de Saint-Louis. Qui était aussi possible, donc je me disais voilà, il y a des opportunités, et donc j'arrive en STAPS comme ça. Ok, tu as parlé de le plaisir d'entraîner oui. Durant les premières années, j'aime bien poser cette question un peu. Tu fais référence à quoi lorsque tu mentionnes le plaisir d'entraîner, et ça ressemblait à quoi tes deux, trois premières années d'entraînement, si jamais il y a quelques souvenirs qui arrivent à ressurgir là? Ouais, t'as de la chance, j'ai une bonne mémoire, on va dire. J'ai plein de souvenirs. Bah, le plaisir, c'était simplement déjà au tout départ, quand j'avais pas encore de compétition et que j'ai vraiment commencé à entraîner, c'était simplement de voir les gamins réussir. C'est-à-dire que quand j'avais un gamin qui me disait j'arrive pas à mettre une frappe et à marquer un but, j'essayais de voir, j'essayais de comprendre. Après, j'avais pas encore tous les outils que je peux avoir aujourd'hui, mais j'essayais quand même de comprendre ce qui clochait et de véhiculer les connaissances que moi j'avais reçues de la part de mes entraîneurs. Et donc j'essayais quelque part fait un peu un calque, parce que j'avais pas du tout de formation à l'époque, j'avais que mon vécu de joueur. Et quand tu vois un gamin qui réussit parce que tu lui as donné quelques conseils, bien sûr, il a aussi sa part de génétique et de connaissance du foot, même s'ils sont petits. Tu vois bien qu'il y a des différences entre les gamins, mais quand tu le vois réussir et qu'il est tout content, qu'il court partout parce qu'il a mis un but ou qu'il a fait la bonne passe et qu'il est fier, voilà, c'est des choses qui te font plaisir. Et puis toi, tu participes pas au match le week-end parce que t'es encore un peu jeune. Et puis tu les vois, ils reviennent la semaine d'après en te disant ouais, j'ai réussi à marquer un but, j'ai réussi à faire cela, on a gagné. C'est des choses, ça te fait plaisir et tu y prends goût. Et puis les petits s'attachent à toi. Et toi, réciproquement, moi j'ai toujours essayé de garder une distance, mais après c'est peut-être c'est un défaut, mais j'ai un côté très paternaliste, c'est-à-dire que au bout d'un moment, j'arrive plus à faire semblant. Les gamins avec qui tu t'entraînes, tu passes une saison, deux saisons, trois saisons, tu peux pas faire semblant. Au bout d'un moment, tu les apprécies beaucoup, tu dois pas leur faire savoir, parce qu'à un moment, il faut que tu restes dans un cadre de travail. Mais ces gamins-là, c'est tes propres enfants. Voilà, ça fait partie des notions de plaisir, en tout cas, qui, moi, m'ont fait kiffer le foot, quoi. En tout cas, m'ont fait kiffer le fait d'entraîner. Ouais, tu considères, je me permets, hein, c'est naïvement, hein, chaque fois, il n'y a pas de piège dans mes questions, enfin, je veux pas qu'il y en ait, en tout cas. Mais tu as parlé de cadre de travail, tu considères que c'est un travail ? C'est vraiment par curiosité ? Disons que pour faire en sorte, moi je considère que pour faire en sorte que le gamin il progresse, même si c'est une pratique de loisir, puisqu'à un moment les petits arrivent dans un club de foot, ils viennent pour jouer. À un moment, je pense que toi, en tant qu'éducateur, tu dois mettre en place en tout cas un climat d'apprentissage qui fait qu'ils sont malgré tout dans du loisir, mais où ils doivent quand même apprendre des choses. Et à partir de là, tu dois avoir une attitude professionnelle. Enfin, pour moi, je pense en tout cas que c'est comme ça que j'ai réussi à faire progresser des enfants, pas que moi, hein, parce qu'ils avaient le parcours d'autres éducateurs aussi, mais du coup, c'est parce qu'il faut vraiment comprendre que c'est une continuité. Il n'y a jamais un mec qui transforme un type tout seul, c'est pas vrai. À un moment, c'est le cursus du joueur avec tous les éducateurs qu'il a eu de A à Z qui fait qu'il devient ce qu'il est. Ouais, la multitude des rencontres, des environnements, des contextes. Tout à fait. Moi, je trouve ça c'est super important. Mais en tout cas, moi, j'estimais qu'il fallait que je mette un climat d'apprentissage qui soit favorable et au plaisir et à l'apprentissage. Et donc, à partir de là, oui, je faisais comme si j'étais un pro, même si je l'étais pas du tout. Mais en tout cas, j'avais cette volonté de tendre comme si j'étais payé, alors que je l'étais pas du tout, hein. Je venais en tant que bénévole, mais en tout cas, je voulais que ça soit comme si j'étais payé. J'avais une mission. D'accord. Les premières années, ouais, tu n'es pas rémunéré. Non, j'étais pas du tout rémunéré. Si, ils me rémunéraient, mais dans un autre sens. Il me rémunérait en faisant que je ne payais pas ma licence, par exemple, en tant que joueur. Pendant longtemps, tu as fait ça bénévolement ? J'ai fait ça 3 ans à peu près, 3-4 ans. D'accord. On va dire que lorsque tu arrives à Sonnaz Saint-Gratien, je pense que tu commences à toucher un défraiement, quelque chose comme ça, j'imagine. Oui, même un petit peu avant, en fait. D'accord. J'ai fait... Je sais même plus combien j'ai fait à Aizenville, mais j'en ai fait un certain nombre. Et au bout d'un moment, quand j'ai commencé à passer les formations, à l'époque, c'était Lyon. Quand tu commences à passer les formations, après, nous, on avait une grille de défraiement. Et donc, à partir de là, je commence un peu à négocier avec la direction. Mais je peux te poser la question. Quand j'arrive à Saint-Martin-Gratien, c'est différent. Ouais, je peux te poser un peu la question. Genre, au moment où tu commences à toucher un défraiement, que ce soit dans ton premier club ou à Saint-Martin-Gratien, ça ressemble à quoi C'est sous quelle forme et ça ressemble à quoi ? Tu n'es pas obligé de répondre, évidemment, mais si tu... Oui, je peux, il n'y a pas de souci. Ben, en fait, on convient avec la direction du club. Donc là, que ça soit Sannois-Saint-Gratien ou Aizenville, tu discutes en début de saison avec, avec le directeur technique pour savoir sur quoi il souhaite te positionner, ou le manager général à Saint-Nom-Saint-Gratien. Tu acceptes ou tu acceptes pas. Moi, bien souvent, j'ai accepté parce que c'était des choses qui m'intéressaient quand même. Et après, on convient tout simplement d'un dédommagement. C'est-à-dire qu'ils te proposent, ils te disent, voilà, pour tant d'entraînements et un match, on te propose ça. Et après, c'est une négociation. Tu ouvres la négociation. Et ça ressemble à peu près à quoi tes premiers dédommages, enfin tes premiers défraiements? Alors, mes tout premiers défraiements, c'est 50 euros, c'est par-ci, par-là, c'est quand je suis à Aizenville et quand je commence à passer mes diplômes, que j'entame mes formations et tout ça, là, ça commence à être un peu plus conséquent. C'est pas, après, ça vole jamais bien haut quand t'es sur du défraiement parce que t'es pas en position de salarié. C'est un bénévole qu'on défraie. 100, donc, c'est quoi 150 euros par mois, 200 euros, 250? Oui, ça va entre 50 quand tu es vraiment débutant. Débutant en tant qu'éducateur, je parle. Oui. Et quand tu commences à vraiment être à un bon niveau, ça va plus haut. Oui, ça peut aller. Je sais que j'avais certains de mes collègues qui étaient bien 450, 500 euros des fois. Ok, par mois. Par mois, oui, bien sûr, oui. D'accord. Pour quoi? Deux entraînements par semaine, trois entraînements, deux équipes, quatre entraînements? Alors, quand t'es à 500 euros, t'as quand même un certain nombre d'entraînements à faire. Ouais. Généralement, c'est 3-4 minimum, plus les matchs. Donc, t'as quand même un certain nombre de prérogatives. D'accord, ok. Et de missions. Ouais, je comprends, ok. Et c'est sous forme de chèque. Simplement, on te donne un chèque. En début de saison, on te demande ta carte grise, pardon. Et en fait, par rapport à ça, ils font des estimations des déplacements que tu fais. Ça représente un défraiement. Moi, je me permets de poser la question parce que je trouve que c'est bien de faire un petit bond en arrière, de 10 ans en arrière comme ça. J'étais assez étonné qu'à un moment donné, sur un épisode, justement, que je vais partager là en fin de semaine, il y a un éducateur qui me dit que... Je viens de finir le montage, c'est tout frais. Mais il me dit qu'en gros, à 14-15 ans, si je ne dis pas de bêtises, il pouvait gagner 20 euros pour la séance à 14-15 ans. Je me dis, ah ouais, quand même, c'est une belle somme. C'est vachement bien. Donc c'est ça. Je vois vraiment que les comment dire les... Je pense que ça dépend vraiment de la structure du club. Ouais, exact. De la manière dont il est financé. Moi, pour ma part, en tout cas, à Aizenville, c'est vraiment une très petite structure. Les subventions n'étaient pas énormes. Donc voilà. Et puis, moi, même si j'étais content, parce que ça me faisait de l'argent de poche, j'étais chez mes parents, t'as quand même la reconnaissance d'un travail. Exact. Malgré tout. Exact. Du coup, j'enchaîne et j'ai envie de, on va dire, de sauter la tête la première sur quelque chose que tu as mentionné qui me tient particulièrement à cœur. Tu l'as mentionné justement à deux reprises, tu as parlé de climat d'apprentissage, parce que tu as parlé un peu, on a parlé un peu de sorte de travail, mais pas la labeur, pas le côté labeur, mais le côté, on va dire, rigueur. Et justement, durant ces 3, 4, 5 premières années, en fonction des compétences qui se développent, des compétences que tu apprends, par ton parcours universitaire et puis au gré des rencontres que tu fais autour de toi, ça ressemble à quoi le climat d'apprentissage que tu mets en place pour toi, Baptiste? Bah bon, déjà, moi, je pars du principe que les gamins, ils arrivent et c'est du loisir à la base. C'est des jeunes garçons. Quoique je dis jeunes garçons, j'ai eu des filles en étant jeune. C'était d'ailleurs c'était très sympa de les avoir dans l'équipe. Concrètement, en fait, c'est des gamins qui viennent pour jouer au foot, pour être avec leurs copains. C'est un petit club, c'est un petit club de famille. Donc, on n'a pas des exigences comme on pourrait l'avoir, je sais pas, au Paris Saint-Germain ou en des centres de formation parisiens. Donc, c'est vraiment un tout petit club. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que, moi, dans ma tête, c'est de faire en sorte que ces gamins-là, ils soient meilleurs que moi. Le jour où ils arrivent sur les équipes dans lesquelles j'étais à ce moment-là. Et de me dire, voilà, je sais qu'ils sont là pour jouer, pour s'amuser, mais ils sont aussi là pour apprendre parce qu'il y a, quand même une licence qui est payée par les parents, donc il y a quand même des attentes. Et il faut que je fasse en sorte qu'ils prennent autant de plaisir qu'ils n'apprennent. Et on en avait discuté un petit peu quelques temps avant. J'en avais parlé, et du coup, d'où la maxime « jouer pour apprendre et apprendre pour mieux jouer ». Ah, je suis content que tu l'aies que tu fais référence. Ouais. Voilà, donc je partais de ce concept-là, et donc du coup, ça, après, en fonction des groupes, t'as plus ou moins de facilité à instaurer un climat d'apprentissage. Parfois, c'est un petit peu plus complexe parce que t'as des petites têtes brûlées, on va dire. Mais c'était des gamins qui étaient vraiment... Franchement, je m'estime vraiment très chanceux, par contre, parce que j'ai toujours eu la chance d'avoir... J'ai jamais eu de gamins qui étaient vraiment horribles ou même des équipes horribles. J'ai toujours eu des groupes qui étaient vraiment super à l'écoute et très sympas à vivre. Et bon, en plus, qui plus est. J'ai vraiment eu du bol. Franchement, j'ai eu de la chance. Je sais pas, je crois pas trop en la chance, je crois plutôt au mérite, mais je parle peut-être que aussi tu mettais justement un bon climat d'apprentissage, peut-être que c'est une réflexion que tu as eue assez tôt. La maxime, c'est jouer pour apprendre, apprendre pour jouer, c'est ça, hein ? Apprendre pour mieux jouer, ouais, c'est ça. Apprendre pour mieux jouer, ouais. Je la note bien pour l'intégrer. Et... Bon, c'est vrai que tout de suite, je fais référence un peu au football de rue, au football loisir, au... C'est vraiment jouer pour développer certaines habiletés, puis après apprendre pour mieux jouer. Du coup, je fais un petit bond. Bon, après, j'ai bien pris connaissance un peu de ton parcours. Tu arrives à. Comment ça se passe le bond là ? Tu fais un bond à Sannois-Saint-Gratien et là, tu passes quand même quelques saisons, hein, si je dis pas de bêtises, notamment durant ton parcours STAPS. J'ai passé pas mal de saisons à Sannois. En fait, pour te dire comment je suis arrivé à Sannois, je vais te raconter une petite anecdote, parce que je sais que t'en es friand. Ouais, j'adore. En fait, quand on arrive en STAPS, je sais pas si tu te souviens, mais on nous demande d'avoir des stages dans des structures associatives. Complètement, ouais. Et une grosse galère pour moi. Tu m'entends ? Ouais. Et en fait, en deuxième année, on nous demande d'avoir un stage de bon niveau. Ou de très bon niveau en ligue. Et donc en fait, moi, quand je suis en vacances, donc en Corse, j'apprends que un de mes voisins, en fait... Aïe, tu veux parler du football corse, hein. Super. Ouais, on en parlera si tu veux. Ah ben oui. Donc j'apprends que mon voisin est l'entraîneur du Cercle Athlétique Bastiais, qui aujourd'hui n'existe plus puisqu'il a fusionné avec le club de Borgo. Et donc devenu le FC Bastia Borgo, mais enfin bref. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils sont en Ligue 2, si je ne dis pas de bêtises. Le Bastia Borgo ? Oui. Bastia Borgo, non, c'est le CAB qui était en Ligue 2, et là, il me semble que le FC Bastia Borgo joue en National. National, exact, bien joué. Okay. Donc du coup, voilà, j'apprends que cette personne-là est donc entraîneur du Cercle Athlétique Bastia à l'époque. Et cette année-là, en fait, il monte de National en Ligue 2 avec son club. Et donc, je le contacte et il accepte ma demande de stage. Et arrivé en début d'année en STAPS, donc je propose mon projet d'aller en Corse et d'entraîner sur un groupe de Ligue 2. Et il s'avère que c'est refusé parce que c'est trop loin, parce que ça génère des difficultés au niveau de l'apprentissage dit scolaire. Et donc, ça va pas être faisable. Et là, il faut que je me retourne. J'ai pas de plan B, en fait. Et je rencontre un entraîneur que j'avais eu, notamment à Aizenville, qui entraîne à ce moment-là à Sannois-Saint-Gratien et qui me propose de le rejoindre. Je te la fais courte, hein, mais il propose de me rejoindre en U17DH à l'entente Sannois-Saint-Gratien. Et c'est comme ça que j'arrive à l'entente. Je fais un premier pas en tant qu'adjoint en U17DH et comme j'avais une petite année de STAPS derrière moi, je commence à avoir des connaissances. Donc c'était bien pratique. On passe... Et du coup, j'arrive à Sannois. Ouais, tu passes quand même clairement de, de ton club, on va dire, de cœur, structure un petit peu plus conviviale, un peu plus petite, à directement, quand même, Sannois-Saint-Gratien, d'arriver en DH, U17. Donc, DH, c'est U17, donc moins de 17 ans. On est DH, division d'honneur. On est ce qui, juste au-dessus, si jamais l'équipe est promue, c'est nationaux, c'est-à-dire le meilleur niveau national. Alors, donc là, on est sur le meilleur niveau régional. D'accord. On avait les nationaux. Les U17 DH étaient une équipe 2. Ok, d'accord, tu vois. Donc, d'accord. Donc, du coup, effectivement, je fais un bond spectaculaire entre ce qui se fait au plus bas en district à ce qui se fait au plus haut en région. Comment tu gères ça à ce moment-là? Au début, je suis un peu... Déjà, je suis très bien accueilli par le staff, donc mon ancien coach, par le coach des 17 nationaux également, qui était là ce jour-là. C'est pas mal d'observations au début, pas mal d'observations pour voir qui est qui, apprendre à connaître les prénoms, un petit peu dans l'ombre, en fait, si tu veux, et à observer. Et en fait, c'est beaucoup plus facile de s'intégrer en fait en commençant à voir les gens sans trop leur parler, etc. Voir quelles sont les caractéristiques de chacun, voir un autre football. Et en fait, tu t'y adaptes très vite parce que tu commences à prendre des débuts de séance, à faire des exercices, à faire des trucs. Et comme t'es là à les suivre tous les week-ends, à venir avec eux jouer les matchs, etc. Bah les garçons savent qui tu es. Les garçons savent que voilà, t'as des compétences aussi puisque tu travailles avec eux, et puis ça se fait très naturellement. Après forcément au début t'es un petit peu anxieux, t'essayes de faire le mieux que tu peux, mais t'as quand même des outils. Quand t'arrives en STAPS, on te donne pas mal d'outils, et finalement ça passe bien. Et après, en plus, par chance ou malchance, ça faut voir, en fait j'ai le coach de cette équipe là qui a un pépin de santé, et en fait je reste pendant un mois tout seul avec eux. D'accord. Et vas-y, comment tu gères ça, ouais. Une situation qui est un peu... Comment? J'avais une question avant d'attaquer ça. C'était un peu, mais j'aime pas trop couper. J'aime pas trop te couper parce que ça partait bien, mais juste avant ça, quelles étaient les missions qui étaient attendues au moment où toi on t'intègre justement dans cette équipe-là? Déjà, pourquoi cette équipe-là? Et puis qu'est-ce qu'on attendait de toi? Et puis ensuite, après, tu peux même enchaîner en me disant comment tu as vécu justement ces mois-là à la tête d'une équipe U17 DH, une équipe 2 notamment. Ouais. Bah écoute, quand j'arrive, en fait, concrètement, c'est pour être adjoint du coach qui est en 17 DH et pour faire un petit peu de préparation physique. Essentiellement, la préparation physique. Et en fait, il s'avère qu'il me laisse pas mal les clés du camion. Il me laisse pas mal faire. Il corrige quand il a envie de corriger. Et c'est normal parce qu'à un moment, je suis... On va pas dire jeune éducateur parce que j'ai quand même quelques années derrière moi. Mais par rapport à ce niveau-là, je suis jeune éducateur. Et... Mais malgré tout, il me laisse les clés du camion et la confiance. Il me donne des thèmes de séance. Je les prépare en amont. Je lui envoie. Il me dit ce qu'il en pense. On corrige sur le moment s'il y a des choses à corriger. Donc ça me donne pas mal d'assurance, et comme les joueurs sont assez réceptifs, ça se passe très bien. Il y a des difficultés, il y a des choses qui... Voilà, donc j'avais un rôle d'adjoint et de prépa. Il y a des difficultés à ce moment-là, il y a... comment tu t'organises? Non, il n'y a pas de difficulté, c'est de l'outillage, c'est-à-dire que tu viens régler certains petits trucs, c'est... T'as pas de problème en fait. T'as pas de problème. T'es juste en train d'essayer de régler une machine pour qu'elle soit performante. T'as pas réellement de problème. Les garçons sont super gentils. Tu discutes avec eux. Ils ont une tête bien faite. Ils ont bien été formés auparavant. Donc c'est super agréable. Et du coup, comment tu gères ce mois en solo là? Alors, le mois en solo, ce qui est compliqué, c'est que on est dans, malgré le fait que ça soit un groupe très sympa à vivre, on est en difficulté au niveau comptable sur le championnat. Et qu'à un moment, malgré tout, on est une réserve de nationaux et on se doit de se maintenir. Et en fait, pendant ce mois-là, je vais beaucoup jouer sur justement cet aspect comptable, en leur disant voilà, écoutez, ce qui serait bien, c'est que quand le coach revienne, à un moment on est un peu repris des points, on soit un peu mis plus à l'aise, puisqu'il faut que vous passiez une saison agréable, faut pas que le coach, quand il revienne, ça soit la catastrophe non plus. Donc à un moment, il faut qu'on fasse les choses bien aussi. Et en fait, il s'avère que sur ce mois-là, on arrive à prendre des points et qu'on se met dans une situation qui est plus agréable. Et en plus, on a la chance d'avoir le manager général qui vient voir les matchs. On a la chance d'avoir le directeur technique qui s'avérait être le coach de l'équipe première qui vient également et qui est quand même satisfait de ce que fournit l'équipe, sans parler des résultats. Et donc, ça a un effet un peu boost. Et du coup, on arrive à se mettre un petit peu à l'aise et profiter malgré tout de notre saison derrière, quoi. Donc, c'est plutôt agréable. D'accord. Pas de difficultés, là? Pas de mauvais souvenirs? Pas de... Non, pas de mauvais souvenirs. Parce que, évidemment, c'était difficile parce que tu te retrouves avec un groupe de U17 alors que toi, t'entraînais des U13 auparavant. Tu te dis, ouais, là, ça va être difficile. Mais ça se passe bien parce que les joueurs ils sont là pour progresser. Après, tu sais, t'en as toujours un qui fait un peu plus le mariolo que les autres, mais ça fait partie de ton groupe et t'as besoin de ce genre aussi de profil pour avoir un groupe qui est hétérogène. Et ça, tu peux pas avoir que des joueurs tout calmes, tout gentils. Il y a un moment, il te faut des fous aussi, c'est entre guillemets, hein, je dis des fous, mais tu dois avoir des profils qui sont un peu plus... leader, un peu plus... virulents. Ouais. Voilà. Ça fait du bien au groupe parce que ça lui permet aussi de dégoupiller de temps en temps. Et bon, voilà, de temps en temps, il faut ramener les joueurs dans le cadre. T'élèves un peu la voix, mais bon, ça se passe tellement bien que voilà, tu peux pas... Moi, j'ai jamais... Enfin, t'as des mauvais souvenirs, mais des mauvais souvenirs par rapport à quoi? Non, c'est pas un mauvais souvenir. Ça fait partie de ton entraînement, ouais. Ça fait partie de la vie. À un moment, parfois, tu vas au charbon, c'est plus difficile sur certaines séances, mais parce que peut-être que tu as mal amené ta séance, oui, ça m'est arrivé. Si ça, par exemple, c'est un mauvais souvenir pour toi, oui, ça m'est arrivé de faire une séance où j'avais pas suffisamment, amené de ludique, et du coup, c'était plus difficile de les amener avec moi. D'accord. Je sais pas, tu veux faire référence à une anecdote en particulier ou t'as un exemple? Par exemple, il y a une séance où j'étais arrivé, où on était sur le thème, c'était déséquilibrer et finir, et notamment fixer, renverser. Et en fait, j'aborde la séance de manière très... En fait, j'avais prévu mes séances sur la semaine. Et ce qui m'a joué un tour, c'est que j'avais abordé les premières séances de manière très empirique, sans forcément avoir d'adversité dans les cheminements et les représentations qu'on allait faire. Et je pense que ça a joué en ma défaveur parce que justement, les gamins, n'ayant pas d'opposition et de but de jeu, entre guillemets, de manière jouée, ça les a... je pense qu'ils ont moins apprécié les séances. Et en fait... C'est-à-dire? Est-ce que tu peux juste préciser un petit peu? Bah, c'est-à-dire que tu sentais qu'il y avait moins d'intensité, que ça traînait un petit peu plus la patte que d'habitude, qu'ils avaient moins envie. Tu parles de l'entraînement, il n'y avait pas forcément d'opposition, il n'y avait pas forcément... Oui, c'est ça, il n'y avait pas d'opposition, je l'avais fait à blanc. Si d'accord, ok. J'avais vraiment fait la... En fait, le déroulé de la séance sur la semaine, des séances sur la semaine, ça faisait une partie qu'on qualifierait de théorique empirique. La deuxième séance, on avait trois séances. La deuxième séance, un mixte, où on reprenait ce qu'on avait fait la première séance et on ajoutait un petit peu d'opposition. Et la troisième séance qui devait arriver vers vraiment une opposition, si je puis dire, tactique, qui permettrait de réinvestir ce qu'on avait vu théoriquement sur le début de semaine. D'accord. Est-ce que tu vois où je veux en venir ou pas? Oui, oui, oui. D'accord. Et en fait, sur la première séance, comme à mes yeux, je pense aujourd'hui que c'est trop empirique pour eux, tu sens que ça traîne la patte et que c'est moins agréable pour eux aussi. Et je le comprends parfaitement, parce que répéter des cheminements à vide, ça peut être frustrant. Pour quelle raison tu étais parti comme ça? Pour quelle... Comment? Quelle était ta réflexion de partir sous cette méthode? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais récupéré de quelqu'un? Est-ce que c'était par rapport au coach? C'était une demande du coach ou... Non, non, pas du tout. C'était complètement de ma création. D'accord. Parce que je savais qu'il fallait que je bosse sur ça. Et moi, je m'étais dit comment je peux leur faire comprendre l'idée de fixer le bloc adverse en réalisant un certain nombre de passes dans une zone, le faire se décaler pour ensuite aller chercher à renverser. Et en fait, je le fais totalement de manière tableau noir sur le terrain. Et sur le terrain, le problème, c'est que les gamins à cet âge-là, ils ont besoin de bouger. Ils ont besoin de bouger, ils ont besoin d'opposition, ils ont besoin de ludique. D'accord. Et c'est trop. Je pense qu'à l'époque, c'est trop empirique pour eux. D'accord. À la fin de la saison, j'aurais pu le faire avec eux. Mais en début de saison, pour eux, sortant des U16, c'était trop empirique. J'aurais peut-être dû mettre plus de jeux pour qu'ils comprennent là où je voulais en venir. Et j'ai peut-être été trop empirique et trop théorique au départ. Même si la deuxième séance était mieux parce qu'on a commencé à mettre de l'opposition jouée et terminer carrément sur vraiment du jeu avec opposition tactique, où là clairement ils ont compris là où je voulais en venir. Mais la première séance, elle est pas ratée parce que je pense qu'ils comprennent là où on veut en venir, mais que c'est peut-être trop long, trop empirique et trop long pour eux. Est-ce que c'est une méthodologie que tu conserves encore actuellement ou... Alors ça arrive, ouais, ça D'accord. arrive quand je vois que vraiment il y a quelque chose qui est pas du tout compris et qu'il faut vraiment reposer pierre après pierre, que tu décon en fait tu déconstruis, si tu veux, leur modèle, les schémas qu'ils peuvent avoir dans leur tête, et tu déconstruis pour reconstruire à nouveau quelque chose qui est solide et bien ancré dans leur tête. Ça arrive, j'essaye de pas trop le faire parce que c'est chiant comme ça. Même pour eux, c'est chiant. Pour toi, c'est chiant parce que tu préfères. Moi, je préfère jouer. Hein. Si je pouvais D'accord. faire que des séances en jouant, je ferais que ça. Quand tu dis Mais je pense qu'à un déconstruire moment, des il faut modèles, tu fais parfois. référence à quoi? Par rapport peut-être à ce qu'ils ont vu précédemment avec d'autres coachs, par rapport à ce qu'ils ont pu voir à la télé, par rapport à ce qu'ils ont pu faire sur le terrain entre eux et pendant la compétition. Et à un moment, je pense qu'il y a des moments où t'as pris de mauvaises habitudes. Un peu comme un conducteur pourrait conduire, on le apprend à conduire à 10h10, et quand il commence à conduire tout seul, il commence à conduire un peu comme un kéké avec une seule main. Et parfois, c'est mauvais. Parfois, c'est mauvais parce que justement, à un moment, tu vas avoir besoin de ta deuxième main en tant que conducteur, et tu vas avoir besoin en tant que footballeur, de schémas qui sont précis dans ton plan de jeu. Ou en tout cas de déconstruire ce qui avait déjà été fait parce qu'ils n'ont soit pas bien compris ce qui avait été demandé précédemment, soit mal été intégré par la personne qui s'occupait d'eux. Ça peut être plusieurs facteurs, tu vois. Et à D'accord. ce moment-là, en fait, tu sens que le socle est bancal et qu'il faut que tu reprennes. Et parfois, ça passe par ce genre de choses. C'est pas toujours des séances agréables, mais parfois elles sont nécessaires. Tu aurais un exemple de schéma à déconstruire pour un collectif ou pour certains joueurs? Bah, par exemple, moi, l'année dernière, il y a 2 ans, pardon, puisque le groupe de l'année dernière, c'est un groupe que j'avais l'année d'avant. La notion de coulisser, cadrer, couvrir sur une ligne défensive, notamment la ligne des défenseurs. Donc, j'ai totalement enlevé les attaquants et les milieux de terrain dans le système. Je n'avais placé que les défenseurs et j'ai fait circuler le ballon. J'ai demandé à mes attaquants de faire circuler le ballon pour les observer. Simplement pour voir qu'est-ce qui n'allait pas. Et en fait, il s'est avéré que, par exemple, les moments de cadre intercé, où tu sais que tu peux sortir, où tu attends l'erreur adverse, ou la passe moins bien dosée, ou la zone dans laquelle toi tu veux qu'ils interviennent, et ben à un moment, c'était pas acquis. C'était pas acquis. Le temps où on partait couvrir n'était pas bon. On partait coulisser n'était pas bon non plus. Le moment où on devait sortir pour cadrer, c'était trop tard. Et il y avait plein de choses à refaire. Donc à un moment, tu pars sur quatre coupelles. Tu leur dis, voilà, nous on joue en 2-4-1. Donc les gamins qui sont derrière, les deux défenseurs centraux, vous vous mettez là. Les deux ailiers qui font piston et qui jouent aussi le rôle de défenseur quand on n'a plus le ballon, vous allez vous placer là. Et là, on va vous montrer comment ça doit se passer en fonction de la circulation du ballon. Et là, tu es obligé de tout recommencer. Tu reprends tout de base. D'accord, parce que... comment ? T'as mentionné 2-4-1, le système, c'était parce que c'était du foot à 8, c'est ça ? Oui, c'était du foot à 8, c'était sur des U13 à venir, et donc c'était d'accord. Du foot à 8. Okay. Je te donne un exemple, après, je l'ai déjà fait aussi sur du foot à 11, mais d'accord. Je te donne l'exemple parce que c'est plus parlant. Ok. Donc tu réexpliques voilà, quels sont les temps où tu dois coulisser, quels sont les temps où tu dois couvrir, cadrer, à quel moment tu peux sortir pour intercepter, la gestion de la profondeur, est-ce qu'on joue avec une ligne plutôt haute défensive, plutôt basse, plutôt médiane, etc. Et tu réexpliques tout, en fait. Tu déconstruis et tu reconstruis. Pour que tu sois sûr que ça soit bien acquis, peu importe le changement de système de jeu, et peu importe la ligne défensive, et je parle là simplement au niveau des joueurs, peu importe la ligne de joueurs que tu mettras, elle doit être capable de s'adapter avec ses nouveaux collègues et de pouvoir pouvoir réinvestir ça le jour du match. Et donc là, effectivement, tu fais une séance de déconstruction, de reconstruction. C'est pas toujours des séances agréables, mais parfois, je pense que quand quelque chose est mal compris ou mal réinvesti, parfois, vaut mieux déconstruire que de partir sur des fondations qui sont bâclées. Ok, on est rentré un peu plus en profondeur dans un sujet. Merci, Baptiste. Mais du coup, je vais reprendre la perche que tu m'as tendue tout à l'heure. Et je voudrais, si c'est possible avec toi, qu'on voyage un petit peu. Et puis après, on reviendra un peu sur plus en détail sur ton expérience plus récente. Justement, tu m'as mentionné le prénom de Zachary. Et apparemment, l'expérience a été extrêmement riche. Donc, on va forcément l'aborder. Ça m'intéresse forcément. Mais si c'est possible, on fait une petite escale dans le sud de la France. Et justement, le fait que tu es dans un premier temps, tu as eu une opportunité de stage qui n'a pas pu se concrétiser. Mais il s'avère que, en tant que. Tu vas peut-être, dans ta présentation, tu l'as dit, mais tu pourras peut-être rappeler le lien que tu as avec la Corse, parce que même moi, là, je ne suis incapable de le savoir et de m'en souvenir. Et de savoir si on pouvait justement parler un peu du football corse. Est-ce que dans un premier temps, déjà tu peux me rappeler c'est quoi ton rapport toi à la Corse ? Ouais, bien sûr. Moi je suis d'origine corse. Je suis originaire de la région de la Castaniche. Ok, c'est où ? C'est Corse du Nord, Corse du Sud ? Est-ce que c'est Bastia, Ajaccio ? Alors, c'est plus côté côte est. Et pour donner un schéma très basique, pour que ça soit compréhensible pour tout le monde, vous prenez Corté et vous tracez une ligne droite en direction de la côte est. Et vous avez tout un tas de petits villages dont je suis originaire. Et donc, vous avez la plus grosse ville, on va dire que c'est Servionne, qui est à côté de chez moi. Ça me parle. Je suis originaire. Ouais. Comment ? Ça me parle, ces noms Corté, je vois Servionne, je vois. Voilà, moi je suis de ce côté-là, donc je suis d'un petit village qui s'appelle Caredia. Ça me parle. Qui est un des plus vieux villages de Corse. Ça me parle clairement quand je sens déjà que je suis déjà en train de voyager, tu vois. Et ça, je suis vraiment content d'avoir cette discussion avec toi parce que c'est vrai que quand je t'ai dit, j'avais ça en tête, je dis Baptiste, de toute façon, Baptiste, va falloir que j'aille discuter avec lui. Mais c'est vrai que il y a des récents épisodes où j'ai quand même pas mal parlé avec échangé avec des Stapsiens et des Parisiens et je voulais avoir l'opportunité d'aller rencontrer d'autres personnes et puis là l'occasion s'est présentée de venir échanger avec toi mais aussi d'avoir l'occasion de pouvoir parler un peu du football en Corse. Donc merci un peu pour la géographie donc par rapport à ça. C'est vrai que moi si je peux me permettre, j'ai passé beaucoup plus de temps dans le nord. Toi, ça va te parler, tu connais, c'est sûr, mais en arrivant, quand on prenait le bateau, on arrivait généralement avec la voiture à Bastia, et puis on dirigeait un peu vers la côte ouest, sud-ouest, et puis on arrivait tout ce qui est Calvi, l'île Rousse, ça doit te parler, tout ça. Ouais, oui, c'est vraiment les coins. En plus, tu peux y arriver par bateau à l'île Rousse. Exact, oui. Donc, c'est d'excellents souvenirs, et on va dire que durant ces différents étés, j'y allais pas vraiment dans le cadre du foot, sauf que à l'île Rousse, je sais qu'il y a une bonne équipe et il y avait un terrain de foot, mais comme moi j'y allais en vacances, en juillet et en août, généralement, c'est pas la période où il y a le plus d'entraînement, où il y a le plus de matchs. Mais j'étais beaucoup plus jeune. Mais il s'avère que, vu le cadre, j'ai développé une affection particulière avec cette île. Et je me suis imaginé pendant longtemps, je pense que c'est compliqué. Je pense que c'est peut-être même presque impossible, mais bon, on ne sait jamais. Et je garde un jour l'idée, enfin la peau, comment dire, dans un petit secret que je peux partager, Espoir. c'est on ne sait jamais, peut-être un jour d'aller entraîner là-bas, pourquoi pas plusieurs années, pourquoi pas même plusieurs dizaines d'années, on ne sait jamais. Mais je sais que ce n'est pas évident. Je sais que maintenant j'ai pris de toute façon la décision d'aller voir un peu comment ça se passait sur d'autres îles, d'autres pays, en attendant. Mais je garde quand même un œil sur le football corse. Je garde un œil sur, moi souvent, j'aime bien commencer de la Ligue 1, puis après faire défiler les championnats, puis on arrive en Ligue 2, en National, National 1, National 2, National 3, puis là, si les personnes sont un peu comme moi, il y en a peut-être qui vont se reconnaître. On a l'occasion de voir de nombreuses équipes corses. Franchement, c'est assez surprenant pour une si petite île. Peut-être que même avant que lorsque je vais te donner la parole, tu pourras peut-être nous rappeler le nombre d'habitants que c'est, avec comment dire, toutes les complications logistiques que c'est. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dès que tu joues à un haut niveau en Corse, t'as pas d'autre choix que à chaque match à l'extérieur de quitter ton île. Et puis donc ça doit pas être évident, ça j'en ai bien conscience. Mais c'est énormément d'équipes, enfin énormément. Je pense au moins 8-9 dans les 3-4 meilleurs niveaux en France, ce qui est assez remarquable. Et moi du coup, j'ai envie de savoir, Baptiste, quel est ton rapport avec le football corse et est-ce que tu serais un peu capable de m'expliquer. Franchement, je suis très content de te poser cette question. Alors, je peux en parler. Maintenant, je suis sûrement pas la personne la mieux placée pour répondre Bien à sûr, ces bien sûr. questions-là. Ouais. Mais oui, après, c'est vrai que moi, voilà, j'y vais tous les étés depuis que je suis petit, parce que voilà, c'est la maison familiale. Et effectivement, oui, il y a beaucoup, beaucoup d'équipes en Corse et beaucoup d'équipes de bon niveau. Et notamment quand tu regardes effectivement par rapport à une région de football comme ça, ou alors que, enfin, si tu compares par exemple à d'autres régions qui sont beaucoup plus grandes en France, t'as énormément d'équipes pour un endroit qui est bien moins vaste. Mais complètement. Si je ne dis pas de bêtises, en Corse, il doit y avoir 350 000 habitants à peu près, je dirais. D'accord. Je suis pas sûr. Je pourrais vérifier, mais à peu près. Et la taille de la Corse, alors j'avais regardé la dernière fois, parce que curieux, ça doit être 8 500 ou un peu plus. Peut-être un peu plus. D'accord, ok. Kilomètres carrés, je crois. Mais en fait, la Corse, ils ont eu très tôt des clubs de foot. OK. Très tôt. Moi, je suis supporter du Sporting. Sporting Club de Bastia, pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'abréviation. Mais le Sporting Club de Bastia, par exemple, sa création, c'est 1905. Ouais. 1905, ça fait quand même un sacré nombre d'années. Et après, au niveau du nombre d'équipes de foot qu'on peut avoir, après, ça s'est créé aussi par rivalité, puis c'est une petite île. C'est une terre de football. Et je veux vraiment insister là-dessus parce que peut-être qu'on y viendra par la suite, mais quand je regarde aujourd'hui les différents championnats qu'on peut voir, championnat anglais, allemand, etc., Italie, Espagne, le développement des structures de football dans d'autres pays, et notamment j'aime bien regarder ce qui se fait au niveau des structures sportives aux États-Unis. Je trouve que là, par rapport à la France métropolitaine, la Corse, c'est un vrai pays de football. C'est vraiment une passion, c'est le sport numéro un, et ça fait partie de la culture. Bon, attends. Bah, déjà, je me suis permis de regarder. Donc, tu as raison. C'est à peu près. Les derniers chiffres, c'est 2014, 324 000. Donc, tu vois, tu n'étais pas loin. Comme quoi, tu la connais bien, cette Corse. Et il me semble important même de signaler que. Toi, donc supporter du Sporting Club de Bastia, club quasiment le plus historique de Lille, faut aussi signaler qu'il y a. Bah, je me permets de ramener un petit peu ma science, mais comme ça, je complète un peu tes propos. Et puis, comme ça, je vais enchaîner avec une question, parce que je vois que tu rentres dans le vif, et puis moi, j'en suis content. Bah, il faut signaler quand même que rien qu'à Bastia, qui est bah, la capitale du Nord, bah, si je dis des bêtises, évidemment, tu peux me reprendre, parce que tu es plus spécialiste que moi. Mais dans une grande la ville de Bastia, bah il y a déjà deux clubs, il y a eu, il y a plus vraiment parce que pour l'instant il y a un club qui se refait là, mais on est, je pense que la plupart des connaisseurs du football en France au moins sont capables de se souvenir ou de connaître le Sporting Club de Bastia et le CA Bastia. Donc ça fait déjà deux clubs à un très bon niveau dans la Corse du Nord et dans la Corse du Sud, tout il y a quasiment au même titre. De nombreux spécialistes, enfin de nombreux amateurs du football en France sont capables de connaître l'AC Ajaccio et le GFCO d'Ajaccio. Ça fait quand même 4 clubs qui sont quasiment dans les 3-4 meilleures divisions françaises pour seulement. Et qui sont des clubs historiques. Hein. Et qui sont des clubs historiques, tu vois, je me suis permis de te couper pour dire ça. Et puis, bah, c'est ça, il y a aussi Bastia Borgo, si je dis pas de bêtises, que moi je connais qui est pas très loin. Et bon, y en a quelques-uns comme ça, je vais pas les citer, c'est pas l'idée, mais juste pour dire que et donc j'enchaîne en posant ta question. Du coup, terre de football, terre de passionnés, ah ouais, réellement. Ouais, comment tu l'expliques, comment tu vis ça toi, comment tu l'expliques, comment ouais, je sais pas, qu'est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que tu peux me dire à ce propos-là, ça m'intéresse vraiment. Bah j'avais en fait déjà forcément quand t'es petit, t'en parles avec les gens qui sont autour de toi quand t'es en Corse, tu discutes foot, tu joues au foot avec les gens, et bon, chacun voilà a son club préféré. Juste, je fais une petite parenthèse, le Cercle Athlétique Bastia a fusionné avec le club de Borgo et est devenu le FC Bastia Borgo. Donc d'accord. Aujourd'hui, il y a 3 clubs majoritaires à Bastia, le Sporting, je veux pas donner d'ordre, hein. Moi j'ai ma préférence pour le Sporting, mais je le dis, le Sporting, le FC Bastia Borgo, et l'étoile filante bastiaise. C'est incroyable. C'est quand même un club connu aussi. D'accord. Parenthèse fermée. Donc, mais merci. On disait par rapport à ça que c'est une terre de football. Déjà, les clubs, ils sont très anciens. Même si aujourd'hui, par exemple, la fusion Bastia-Borgo est récente. Mais les clubs, ils ont été créés il y a longtemps. En 1905, le Sporting Club de Bastia, à la base... c'est un club qui est créé par un Suisse qui s'appelle Hans Ruesch, je crois. Je sais plus exactement. Je crois que c'est Hans Ruesch, mais je voudrais pas dire de bêtises. Et c'est vraiment la jeunesse bourgeoise de Bastia, et il n'y a pas du tout de terrain, en fait. Ça joue en 1905, ça joue sur les places à Bastia, tu vois. Et d'ailleurs, il y avait un article qui était vachement bien, qui était paru un moment sur l'équipe, ça s'appelait House of Corse. D'accord. Et House of Corse, en fait, ça retrace un peu l'histoire du football en Corse, et c'est vachement intéressant. Il y a des anecdotes sur... par exemple, est-ce que tu sais pourquoi on dit le club de l'ours pour Ajaccio? Bah déjà, je ne le savais pas, le club de l'ours, mais vas-y, je t'en prie, j'adore apprendre. En fait, aujourd'hui, si tu regardes le blason de l'AC Ajaccio, tu as un ours. Ok. Et en fait, cet ours... si je dis pas de bêtises, dans l'histoire, en fait, il racontait qu'il y avait un joueur de l'AC Ajaccio qui était hyper connu et qui s'appelait, alors attends, je vais regarder, Martin Barretti. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce mec-là, il était tellement balèze qu'il l'avait appelé l'ours. Et c'est comme ça qu'après le club de l'ACA, il l'appelait l'ours. C'était par rapport à ce mec-là. Mais ça, c'était il y a des années et des années. Ma grand-mère n'était même pas née. D'accord. Et c'est vraiment... C'est, quand je dis terre de football, c'est parce que la passion qui se dégage de ce pays envers ses clubs, c'est juste une folie. C'est-à-dire que moi, je regardais à l'époque, quand ils jouaient en Ligue 1, les taux de remplissage du Sporting, ils étaient supérieurs à certains clubs comme Saint-Étienne, comme Lille, comme Lens, qui sont quand même des terres de football aussi, tu vois. D'accord. Mais la passion du foot en Corse, elle est exceptionnelle. Et comment t'expliques le niveau ? Comment t'expliques le niveau ? Comment t'expliques la formation corse ? Comment t'expliques un peu tout ça ? Comment t'expliques aussi le fait que bah, il est difficile d'aller gagner en Corse ? Alors, là, je vais... Pour le niveau, déjà, il y a le fait que les clubs corses se sont quand même rapidement développés. Déjà par passion, parce que les gens aiment le foot. Véritablement, c'est un vrai amour pour le foot, et les petits qui s'y mettent, il y a une vraie volonté de former des joueurs locaux, et que ça soit à travers les différents clubs, hein, mais former des joueurs locaux. Et du coup, il faut aussi savoir, et ça c'est une particularité aussi de la Corse, c'est que la Corse, c'est pas géré comme un département, il n'y a pas de district. La Corse est gérée comme une ligue. D'accord. Donc, il n'y a pas de, si tu veux, il n'y a pas de niveau district. Tu arrives, tu es directement en ligue. Si tu cherches, je pense, sur Internet, tu ne trouveras pas district de Haute-Corse ou district de Corse du Sud. Ça n'existe pas. Mm-hmm. C'est tout de suite la ligue. Donc, entre guillemets, la rapidité pour arriver à haut niveau est déjà pas la même. Mais ce qu'il faut savoir aussi, parce que ça, les gens ne le savent pas, et justement, dans l'article House of Corse, c'est très intéressant à savoir, c'est que pendant un certain temps, les clubs corses ne pouvaient pas participer à la compétition organisée par la France, par la FFF. D'accord. Et ça, pendant très longtemps, ça a été compliqué. Et c'est seulement à partir du moment où les clubs français, les clubs corses ont pu intégrer les compétitions nationales, que ça s'est encore plus développé. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est pas le Sporting qui est le premier promu sur les compétitions nationales françaises. Il me semble que c'est le GFC d'Ajaccio. D'accord. Si je dis pas de bêtises. Parce qu'en fait, le GFC naît simplement d'une idée politique. C'est-à-dire que la CA, pour grossir un peu le trait, on peut considérer que c'était, à l'époque en tout cas, le club impérial. Le club un petit peu de la bourgeoisie, et que le GFC se crée par des idées contradictoires politiques, c'est le club des ouvriers. C'est marrant, il y a souvent ces histoires-là dans les rivalités, hein, l'opposition entre le club du peuple et le club des classes. Je vois à peu près avec Tottenham et Arsenal, je vois à peu près avec... Oui. J'ai encore vu récemment, je ne sais plus, des oppositions comme ça... en Corée du Sud, c'est à peu près pareil. Il y a une opposition comme ça de classe. Oui, parce que le foot, c'est jamais que le foot. Ouais. c'est ça. Le truc. Bah l'Inter Milan aussi, Milan, parce que en gros, Milan AC, oui. Ils n'acceptaient pas les internationaux. Du coup, l'Internationale, bah de l'Inter Milan, elle devient un club pour accueillir justement les joueurs étrangers. Et comme tu le dis, c'est des démarches. Presque plus politique, revendicaire. Mais bien souvent, des revendications, c'est ça. Ouais, d'accord. Comme les clubs de Madrid. Hein. Exact. Le Real de Madrid et l'Atlético, les Colchoneros, c'est une opposition quasi politique. Ouais, non, mais complètement. Après, voilà, ça se génère comme ça, et ça fait que, bon, du coup, par rapport au football corse, t'as beaucoup d'équipes qui se créent avec de bons joueurs d'ailleurs. Et très vite, en fait, quand les clubs corses peuvent arriver là, dans les compétitions nationales, ça se passe bien pour eux, en fait. Ça se passe plutôt bien. On a le GFC, d'ailleurs, qui, il me semble, c'est le premier à pouvoir être promu, mais qui refuse cette promo, dû au fait que le fait d'être promu rendrait le club professionnel. Et comme la personne qui était dirigeante, je veux pas dire de bêtises sur son nom, donc je vais pas le dire parce que je me souviens plus, mais il me semble qu'il refuse cette opportunité parce que ça professionnaliserait le club. D'accord. Et que lui est vraiment attaché à l'amateurisme du football. Mmh. Et donc il refuse cette promotion, et il me semble que c'est le Sporting qui monte à sa place. D'accord. Voilà, ça exprime le fait. Après, en plus, voilà, comme je te dis, c'est une terre où les gens adorent le foot et il y a beaucoup de clubs, il y a beaucoup d'opportunités. Les systèmes de centres de formation fonctionnent très bien. J'allais t'en parler. Les crêpes. Ouais, j'allais t'en parler. Là, je vois que ouais, c'était. Les crêpes aussi. Je suis content parce que je suis content. C'est la question que j'allais te poser. C'est du coup, tu pourras enchaîner avec ce que tu viens de dire, mais est-ce qu'il y aurait une. Je pense pas, mais tu pourrais dire ça dépend, ou tu pourrais dire c'est possible que non, mais quelle serait selon toi un petit peu la spécificité de la formation corse? Franchement, je vais pas m'avancer sur le sujet parce qu'à l'heure actuelle, je trouve que ça bouge beaucoup, et d'accord, notamment à cause de ce qu'on voit aujourd'hui, notamment au niveau des recrutements. Tu sais, on va beaucoup chercher les joueurs à l'extérieur maintenant. Oui, oui, oui. Mais si tu reprends l'histoire du football corse, la spécificité, c'était que c'était des équipes qui étaient très joueuses et dures. Quand je dis dures, c'est un peu le cliché qu'on peut avoir du football corse avec des joueurs très rugueux, très durs dans les contacts, mais c'était des équipes joueuses par contre, très joueuses. Et d'ailleurs, je pense qu'en parlant d'équipes joueuses, on peut pas faire l'impasse du football corse sans parler de l'épopée Bastiaise en Coupe d'Europe, notamment avec les Claude Papy. Quand tu vois ce qu'ils ont été capables de faire, c'était juste impressionnant. Année 80, si je dis pas de bêtises. Alors, Coupe d'Europe, il me semble que Claude Papy, c'est plus vers les années 70. J'aurais dit 72. D'accord. Là, tu m'as filé un doute. J'ai envie de regarder, du coup. Non, vas-y, 72. Vas-y, continue. Mais vas-y, ok. Non, c'est 60, pardon, je dis des bêtises, c'est 78. D'accord, ok. D'accord. Et du coup, t'as raison, c'est plus proche des années 80. Mais en tout cas, voilà, le fait est que c'est que cette équipe de Bastia, notamment, elle a été vraiment reconnue pour son jeu qui était léché. Et aussi parce que c'est une, à l'heure même actuelle, c'est une des seules équipes, il me semble, à ne pas avoir perdu en Coupe d'Europe à domicile. D'accord. Okay. Encore à l'heure actuelle. Ok. Mais voilà, après, voilà, je pense que les spécificités, elles ont un peu évolué, même si je pense qu'ils ont tendance à y revenir, parce que je parle beaucoup avec mes collègues en Corse. Mais le fait d'avoir eu les premiers, tu sais, transferts de joueurs jeunes, vraiment jeunes, ouais, ça a un peu dénaturé quelque part un petit peu les centres. Je le comprends. Et en même temps, j'étais assez surpris quand même qu'il y avait que les clubs corses cherchaient justement à récupérer des joueurs de la métropole. Après, il faut savoir que il y a des règles qui ont évolué, mais que les clubs corses quand même arrivent à récupérer des joueurs du bassin, que ce soit proche de Marseille, de Nice, de Monaco. Il y a quand même un gros bassin, et bon, c'est pas trop ça reste quand même la même culture, ça reste des distances qui restent raisonnables. C'est une culture méditerranéenne, ça reste plus proche, mais par expérience, je sais qu'ils continuent de venir chercher beaucoup sur la région parisienne. C'est vrai. Ouais, c'est ça, je l'avais remarqué. Cependant, je pense que tu es bien placé pour dire qu'il y a quand même des joueurs, on voit des joueurs corses à un très bon niveau. Donc, oui, il y en a pas mal. Et puis après, l'avantage des clubs aujourd'hui de Ligue 1, si je puis dire, ou même Ligue 2, c'est qu'au vu des joueurs qui sortent des centres de formation des clubs corses, en plus, c'est. Malheureusement, après peut-être qu'on ne sait pas vendre nos joueurs en Corse, mais je trouve que par exemple des joueurs comme Wahbi Khazri, Riyad Bouzbouz, Florian Thauvin, beaucoup de joueurs de ce cru-là, on n'a pas réussi à les vendre au juste prix. Mm. Et pourtant, on est capable de sortir des joueurs. Aujourd'hui, il y a encore la petite pépite de l'ACA, là, dont il parle, le petit Tramoni, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Voilà, il y a toujours des joueurs qui sortent. Mm. Mais parce que voilà, c'est une identité, c'est jouer. Enfin, moi je prends l'exemple de gamins que j'ai vus aujourd'hui. Tu peux pas faire ce que tu fais en Île-de-France, de partir d'un club à l'autre et de faire ça encore. C'est pas possible. À un moment, quand tu joues pour ton club, t'es fier de porter tes couleurs. Ouais. Et c'est juste impressionnant. Moi, j'ai un petit gamin de mon village qui est supporter du Sporting. Tu le vois, c'est pas c'est pas c'est pas ça rien, c'est même rien à voir avec un supporter parisien, c'est complètement différent. C'est un amour qui est quasi parfait en fait. Parlant d'amour là, j'ai été un peu bercé, un peu baigné là-dedans, mais tu sais, je pense que je dis pas de bêtises, mais le football en Corse vit en famille, c'est sûr. Je pense que c'est le rendez-vous du dimanche après-midi, ça fait un peu cliché, mais je pense que c'est un peu ça, non ? Mais c'est pour ça que je te disais aussi, vraiment, c'est un vrai pays de football, parce qu'à la différence de certaines compétitions nationales que tu vois aujourd'hui en France métropolitaine, tu verras jamais autant de monde sur un match de National 2 en France qu'en Corse, ça n'existe pas. Sauf quand Strasbourg était en national. Peut-être. Non, c'est pour la petite anecdote. Je veux pas m'avancer, mais voilà, c'est pour dire que voilà. Ça m'étonnerait pas de toute façon. Moi, par exemple, je vais faire un comparatif avec Sannois Saint-Gratien parce que voilà, j'étais dans un club qui jouait. Même en national, Sannois, ils avaient moins de supporters que Bastia quand ils étaient en N3. C'est parce que le club, c'est une entité, parce que le club, à plusieurs reprises, il a failli disparaître. Et encore aujourd'hui, je pense que ce club il pourra jamais mourir. Il renaîtra toujours, quoi qu'il arrive. D'une manière ou d'une autre, il reviendra toujours. Et les supporters seront les mêmes. Ce club, il est trop aimé. Il est trop historique en France pour disparaître. L'histoire est omniprésente. Oui, en plus comme ils ont un parcours alors avec de grandes choses et de moins bonnes choses, ce club il ne peut être que connu et apprécié. On a des spécificités qui font que oui, quand tu viens jouer en Corse, faut faire attention à tes côtes. C'est vrai. À un moment, faut pas se mentir, moi j'ai discuté avec plein de personnes différentes. Des Corses et pas des Corses. Et à un moment, oui, c'est vrai, quand tu arrives en Corse, tu t'abstiens de faire certaines choses. Tu joues avec plus de pression, c'est vrai. Faut pas se le cacher. Mais ça fait partie. À un moment, c'est aussi du. Moi, c'est quelque chose que je reproche aujourd'hui, c'est à un moment, ça fait partie du folklore. Quand tu vas voir un match Boca River Plate, ça fait partie du folklore qu'à un moment, ça soit un peu chaud. Fenerbahçe Galatasaray, c'est chaud. Bah quand tu viens en Corse, c'est chaud aussi. Mais ça fait partie du folklore. Je me permets une petite anecdote, mais quand j'étais en vacances, ça n'a rien à voir. Mais j'avais déjà entendu à plusieurs reprises, lorsque des personnes de la métropole venaient en Corse, avoir entendu assez régulièrement « t'es pas chez toi ». Oui, mais c'est un peu... Alors... Je veux pas. Et avec l'accent, évidemment. Tu es pas chez toi. Je veux pas. Voilà, mais bien sûr. Mais après, moi, je veux pas rentrer dans des défenses d'idées politiques. Évidemment. Mais à un moment, quand on parle juste en parlant football. Juste en parlant football, quand la fédération, puisque c'est la fédération qui organise les compétitions nationales, quand la fédération, elle refuse de faire participer des clubs corses. Et qu'un jour, on leur donne cette opportunité. Mais comment tu veux qu'ils soient reçus, les gens ? On les a toujours mis de côté. Oui, vous ne pouvez pas jouer ceci, cela. Bah forcément, quand tu arrives à un moment... Tu n'es pas chez toi, effectivement. Ça me permet après, de... Je parle même pas de autre chose que le football. Hein. Mais si on extrapolait, bien sûr que ça joue aussi. Hein. Mais on va rester dans le cadre du foot et parce que c'est moi qui me suis permis de façon cette petite parenthèse. Je peux me permettre cette question. On l'a dit, c'est possible pour les joueurs. Il y a des clubs qui vont chercher des joueurs de la métropole pour les former en Corse. Est-ce que tu penses, toi, évidemment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Est-ce que tu penses que un entraîneur qui n'est pas corse peut aller entraîner en Corse ? À l'heure actuelle, oui, on le voit. On le voit même dans, par exemple, à l'heure actuelle, l'ancien coach du Sporting, donc Stéphane Rossi, qui était sur le CA Bastia, donc c'est avec cette personne-là que je devais aller faire mon stage, qui était au Sporting là, la saison dernière. Il a été remplacé par Mathieu Chabert, qui n'est pas corse, et ça se passe très bien. D'accord. Mais ça se passe très bien sous condition. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que tu montres que tu es capable. Et on a eu l'exemple sur du foot professionnel. Regarde, à l'époque où Claude Makélélé arrive à Bastia, ça ne s'est pas du tout bien passé. Mais pas du tout. Tu t'étais bien placé pour le savoir ? Bah ouais, quand même. Ouais, il y a des raisons Claude particulières. Ça ne s'est pas passé. Ouais. Comment tu l'expliques, justement ? Il y a encore des gens, encore, il faut se le dire clairement, qui sont racistes au premier degré. Et donc, en plus du fait de ne pas avoir de résultats, disons que par rapport à ces personnes-là, bah, disons que tu ajoutes. Ouais, les résultats qui n'ont pas forcément été bons. Oui, clairement. Quand il arrive au Sporting, moi, je me dis que c'est déjà très compliqué pour lui d'arriver. Parce que voilà, ça, il y a encore des personnes qui sont racistes. Bien sûr qu'il y en a partout, hein, que ça soit à Paris, à Marseille, à Lyon, à Bastia, à Ajaccio ou ailleurs, il y a des racistes partout. Mais disons que quand il arrive, déjà c'est compliqué pour lui, et en plus de ça, il fait une mauvaise saison. Alors que juste avant, on a eu des entraîneurs qui ont vraiment marqué le club. Et quelques années auparavant, il y a notamment eu Frédéric Hans. Frédéric Hans, il n'est pas corse, mais ça se passe extrêmement bien parce qu'il arrive, déjà il fait du bon boulot. En plus de ça, il s'implique dans la promotion de la culture corse. Et ça, c'est quelque chose d'important. À un moment, je pense que quand tu arrives et que tu respectes l'endroit dans lequel tu arrives, tu t'accoutumes notamment aux traditions. Eh ben, je pense que ça peut très bien se passer, donc tout le monde peut le faire, mais il faut faire un travail quand même. Quand tu arrives quelque part, tu adoptes les coutumes de là où tu arrives, en tout cas. Est-ce que toi, tu as envisagé de pouvoir... Moi, j'adorerais y aller. D'accord. J'adorerais. Aujourd'hui, voilà, ma situation professionnelle et privée fait que, pour l'instant, on va dire, c'est pas possible. Mais j'espère très sincèrement pouvoir avoir la chance un jour d'entraîner en Corse pendant très longtemps si possible. Et mon rêve absolu, c'est d'entraîner au Sporting. Pas forcément sur l'équipe première. Alors si c'était le cas, ce serait merveilleux. Mais mon rêve absolu, c'est d'entraîner au Sporting, clairement. Et de faire partie du processus qui permettrait au Sporting d'arriver bien plus haut. Ah oui, ça c'est clairement mon rêve, mais voilà. Après, on y pense. Ça reste dans un coin de notre tête. On continue notre parcours, mais ça reste dans un coin de notre tête quand même. Oh, sait-on jamais hein, qu'un jour, on entrait dans la même structure en Corse ? Sait-on jamais ? Franchement, avec grand plaisir. C'est tout le... Comme dirait l'expression, c'est tout le mal que je te souhaite, évidemment. Du coup, ça me permet de fermer ce voyage en Corse. Évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il y en a encore beaucoup d'autres à aborder. Et moi, j'en viens à... On a fait introduction, quand on s'est appelé, un peu de ce que tu faisais actuellement. Mais je pense que le lien pourrait être intéressant justement de discuter un peu de ces 2-3 dernières années où tu m'as mentionné en introduction de cet épisode apparemment une expérience particulièrement riche. Est-ce que tu veux introduire cette expérience? Ouais. Vas-y, bah, écoute, je t'en prie. L'expérience que j'ai eue à l'entente de Sannois-Saint-Gratien. À l'entente de Sannois-Saint-Gratien et donc avec Zachary et Toundi. Et donc, comme je disais, voilà, c'est vraiment, je réinsiste vraiment là-dessus, parce que s'il y a des gens un jour qui ont l'occasion de pouvoir travailler avec cette personne-là, franchement, je leur souhaite, parce que c'est vraiment peut-être les meilleures expériences que j'ai eues, parce que déjà très haut niveau de jeu, U19 nationaux, deux saisons complètement différentes, la première dans la poule Est, avec Dijon, Auxerre, etc., où c'était vraiment un bon niveau. Et la seconde année sur la poule Nord, donc la poule Nord qui est pour moi une des poules les plus difficiles en national, dû au grand nombre de clubs pro et de la qualité de formation qu'on peut avoir sur ces équipes-là. Et surtout, ce qui vraiment a fait que ces deux saisons, cette expérience, elle est ultra riche, c'est de travailler justement avec Zach. Et Zach, c'est une personne avec qui tu peux énormément discuter, parler football de tous les sujets, débattre, être d'accord et ne pas être d'accord, et pourtant toujours continuer à avoir cette superbe entente, entre guillemets, parce que je me sentais quasiment comme le coach parce qu'il me mettait à ce niveau-là, en fait. Même si je savais que j'étais l'adjoint, il me mettait dans ce rôle-là aussi, et nos échanges, ils étaient exceptionnels. Bah, j'ai jamais échangé comme ça avec quelqu'un. Parlons-en alors. Comment tu intègres ce groupe? Comment se présente cette collaboration en les prémices un peu? Quelles sont les missions qui te sont attribuées un petit peu? Comment ça se passe au début? Ben, tout simplement, en fait, j'arrive, la première fois que je le vois, en fait, on discute et il me propose de venir faire la pré-saison avec lui pour les 19 nationaux, donc pour la poule Est. Toi, tu étais déjà au club de l'Entente Saint-Ouen-Saint-Gratien? Oui, j'étais déjà au club. Cette année-là, j'étais sur les U15 DH et j'étais responsable des débutants. Ok. De U6 à U9. D'accord. Et à un moment donné, il te contacte et il te propose de collaborer ensemble. Tout à fait, ouais. C'est ça. D'accord. C'est quoi l'entente? C'est que tu quittes les deux postes que tu avais à responsabilité, et quelles sont les missions qui te sont proposées? C'est quoi le projet? Alors, je quitte pas du tout les postes sur lesquels je suis. Je les additionne. D'accord. Donc ça me fait des semaines qui sont extrêmement chargées, mais vraiment riches en expérience. Très très riche en expérience. Pour faire simple, la mission à la base, c'est simplement faire la pré-saison en préparation physique avec les U19 nationaux. Et ben, en fait, comme ça se passe bien et qu'on parle énormément et qu'on discute énormément, en fait, ils me proposent de rester tout simplement. Et bien sûr, j'accepte. C'est quand vous avez ce climat de travail. Pouvoir travailler avec des personnes comme lui et tout en continuant d'apprendre, c'est juste exceptionnel. Et le niveau de jeu qui fait que, voilà, en plus, vous avez de quoi prendre du plaisir à regarder les matchs, on ne peut pas refuser. On ne peut pas refuser ça. Donc, je continue mes autres missions, mais j'enchaîne avec celle-là en plus. Et donc, du coup, je suis tous les jours sur le terrain, 7 jours sur 7. Parfois de 13h à quasiment 22h, 23h. Mais c'est génial. C'est génial. Ouais, tu arrives à trouver un équilibre quand même avec ta vie professionnelle et vie... Alors, il ne faut pas se cacher non plus que ça a été très difficile comme année sur le plan physique. C'était très fatigant. Mais vraiment très, très fatigant. Ça ne rend pas compte. Hein. Mais comment? Non, je dis on ne s'en rend pas compte, mais tu fais bien de le préciser. Ouais. Oui, je tiens à mettre juste ce petit bémol-là pour que les gens se rendent compte. Dites-vous que vous passez quasiment 40 heures par semaine au club. Donc moi c'était à l'entente de Saint-Ouen-Saint-Gratien. Vous passez quasiment 40 heures au club, vous faites tous les déplacements à l'extérieur. Parfois vous partez à 5 heures du matin pour aller jouer contre Avranches. Vous rentrez le soir, il est 20 heures. C'est des journées qui sont extrêmement lourdes. Et en plus de ça, moi, j'étais en contrat aussi sur mon autre activité professionnelle où j'étais en 35 heures. Donc, vous avez 35 heures au boulot de bureautique, on va dire, si je puis dire, et vous enchaînez quasiment 40 heures avec le foot. Croyez-moi, c'est vraiment difficile. C'est extrêmement difficile physiquement. Mais par contre, sur une seule saison, vous avez un panel d'expériences et de connaissances qui vous arrivent d'un coup. C'est juste incroyable. c'est une super aventure. Et vous en sortez, c'est extrêmement riche. Extrêmement riche. Ouais, les... J'ai envie de continuer, c'est obligé. Et il faut considérer qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'en région parisienne, c'est pas... Toutes les personnes qui travaillent dans les associations sportives, dans les clubs de football, ne sont pas forcément salariées. Et puis, il faut trouver un équilibre financier, notamment, pour bien pouvoir continuer à prendre du plaisir de continuer à œuvrer pour sa passion. Et puis, de trouver des ressources financièrement, ça, c'est... Je sais à peu près de quoi tu parles. Je sais, pour l'avoir déjà vécu, je sais que c'est pas évident. C'est très compliqué. Et puis après, il faut une vie perso aussi. Et tout à fait. Et puis après, exactement. Tu rentres le soir, tu vas au foot, il faut que tu passes du temps avec ta famille aussi. C'est quelque chose qu'il faut être capable de gérer. Parfois, c'est difficile. Je vais pas mentir qu'il y a des moments où j'en pouvais plus, c'était dur. Mais normalement, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais moi, je suis. Entre la passion et la folie, presque. C'est, j'aime trop le football. Et je peux devenir fou quand il n'y a pas de foot. Bah là, le confinement, ça ne m'a pas trop aidé sur le foot. Là, je suis content, c'est parce que ça commence à revenir. Mais en tout cas, cette année-là, ces deux années-là, en 19 nationaux, elles sont extrêmement riches en expérience. Et vous voyez des choses que vous n'auriez peut-être pas pu voir pour certains en toute une vie. C'est juste exceptionnel d'avoir une entente pareille avec la personne avec qui vous travaillez. C'est juste incroyable. Bon, du coup, rentrons un peu dans... On a un peu le temps quand même de rentrer un peu plus en détail sur ces deux années d'expérience, d'accord ? Oui, bien sûr, tout à fait. La première question que j'ai à propos... La première question, c'est justement... tu dis, tu t'es sorti grandi, énormément d'expérience en si peu de temps. Comment ça se passe, comment t'as parlé de deux saisons notamment différentes. Oui. Moi, peut-être la première question spontanément, c'est quels sont les apprentissages que tu tires d'une expérience comme celle-là? Comment toi tu t'es vu progresser? C'est tellement large, je sais même pas par où commencer. Je vais essayer d'apporter un maximum d'informations. Bon, ce que je veux dire déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes en 19 nationaux, ou en nationaux en règle générale, mais les 19, c'est un cas un peu particulier parce que vous êtes à la limite du football senior. Vous préparez des joueurs à aller jouer au moins dans une réserve de club pro ou d'intégrer un club pro. Moi, j'étais dans une structure qui était semi-professionnelle, qui à l'époque jouait en National, puis qui a été reléguée en National 2. Donc, on a la volonté de former un maximum de joueurs pour aller jouer en National à la base. Vous arrivez sur... moi, je ne connaissais pas le niveau U19 nationaux. Donc, je l'ai découvert pendant la saison. Et j'avais eu une expérience à Chambly, au FC Chambly-Oise, qui actuellement est en Ligue 2, sur les 18 DH, qui à l'époque étaient DH, c'était pas encore R1. Et vous pensez avoir atteint le meilleur niveau de ce qui se fait, forcément, en tout cas jusqu'au niveau régional. Et la marche, elle est incroyable en termes de niveau et de qualité entre des joueurs U19 nationaux dans un centre de formation. Les joueurs U19 nationaux d'un club amateur comme le mien et les 19 nationaux qui ne jouent même plus en 19 nationaux qui sont déjà en réserve. Ces trois catégories-là n'ont rien à voir. C'est-à-dire que vous avez les 19 nationaux du club de l'Entente de Sannois-Saint-Gratien qui sont déjà les meilleurs joueurs qu'on puisse avoir sur l'Île-de-France. C'est déjà un très bon niveau avec un certain nombre d'entraînements par semaine. Donc une charge de travail qui est difficile, puis le fait que ces joueurs-là, ils doivent rentrer parce que parfois ils habitent loin, donc ils prennent le train très tard le soir, puis ils ont les cours, etc., l'école, leur vie familiale, c'est une charge de travail qui est compliquée déjà pour un être humain lambda, c'est pas évident. Et ensuite, vous avez les 19 nationaux qui sont en centre de formation. Eux, pour certains, en tout cas, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'ils sont dans des structures où ils ont parfois 2 séances par jour, où ils ont des systèmes de jeu qui se suivent, où il y a un réel suivi dans la progression, etc. Donc, où les joueurs se connaissent depuis très longtemps, où ils ont des habitudes techniques, tactiques que vous ne pouvez pas avoir sur un club semi-professionnel. Et ça, déjà, ça complique la tâche lors de ces matchs-là. Et ensuite, vous avez les 19 nationaux qui sont clairement au-dessus du lot, en centre de formation, et qui jouent déjà en réserve. Et là, ces joueurs-là, c'est encore un niveau différent. Parce que vous arrivez sur des joueurs qui ont 18, 19 ans, et qui ont des fois, pour certains, déjà le niveau pour aller jouer bien au-dessus. Et là, les matchs, ils sont complètement différents. Et selon ce que vous rencontrez, parfois vous avez même des joueurs qui sont une génération en dessous de la vôtre, qui ont un an de moins, mais qui sont déjà tellement arrivés à maturité en termes de formation et de pré-formation qu'ils ont largement le niveau de vos équipes. Et là, ça devient un combat terrible pour former vos joueurs. Parce qu'à la fois, on a ce devoir de maintien sur la catégorie U19 nationaux, et à la fois, on a ce devoir de formation parce qu'on doit former des joueurs pour aller jouer sur nos équipes premières. Et ça, c'est vraiment important de le souligner. Ça, c'est les deux objectifs ? Concrètement, bien sûr. D'accord. Bien sûr. L'objectif à minima, c'est le maintien. Si on peut faire mieux, pas de limite. On ne se donne aucune limite. Mais par contre, oui, se maintenir en 19 nationaux et bien sûr, former des joueurs. Former des joueurs. Et on a beaucoup de joueurs, d'ailleurs, cette année-là. Et ça m'avait surpris parce que je ne pensais pas qu'à ce niveau-là... Enfin, à cet âge-là, en tout cas, les clubs recrutaient encore. Et en fait, il s'avère que si. Même en 19 nationaux, on recrute encore des joueurs. Et ça, je l'ai appris sur le tas. Parce que ça t'est arrivé là récemment ? Oui, ça nous... ces deux saisons-là, on a eu à peu près une dizaine de départs en centre de formation. Par exemple ? Par exemple, on a eu Séverin qui est parti à Valenciennes. On a eu Serge Philippe qui est parti à Auxerre, Lassine Sinayoko qui est parti également à Auxerre, on a eu Miguel qui est parti à Clermont, on a eu Smith qui est parti lui à, alors je crois que c'est au Portugal, alors je sais plus si c'est pas grave, hein, c'est pas grave Baptiste, il y a pas de question piège, c'est par curiosité ouais. Comme ça. Non, mais voilà, enfin globalement, je m'attendais pas à ce qui est, voilà, concrètement, je m'attendais pas à ce qui est autant de départs. Les départs se passent bien, c'est à quel moment de l'année en général, c'est sur la fin d'année, cours de l'année. Eh ben, en fait, un peu partout. Et c'est ça qui m'a surpris parce que quand on rencontre les équipes, en tout cas les centres de formation, dès qu'ils détectent quelque chose, ils perdent pas de temps. Vraiment, ils perdent pas de temps, ils communiquent très rapidement. Alors, certains clubs communiquent. Avec le club ? Certains clubs font des choses ouais. Qui, moi, je trouve, sont pas très saines. C'est ne contactent pas les clubs. Ouais, les parents directement. Ou... Voilà, moi, je trouve pas ça bien. Alors que nous, on interdit à aucun de nos joueurs d'aller en détection. Au contraire, on en pousse énormément. Mais la globalité des clubs se comporte bien. En tout cas, des centres de formation se comportent très bien. D'ailleurs, on a été extrêmement bien accueillis quand on allait jouer chez eux, sauf quelques cas à part, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, les clubs se comportent bien et par contre, ouais, ça recrute tout le temps. Tout le temps, et il n'y a pas de date qui favorise. C'est-à-dire qu'ils voient qu'il y a un potentiel qui est intéressant, ils viennent chercher. Hein. Ils nous contactent, ils nous disent voilà, il est intéressant, est-ce qu'on peut lui faire faire des essais ? Et voilà, ça peut partir très vite. Hein. Du coup, Baptiste, j'ai une autre question qui me vient en tête, c'est tu m'as dit l'objectif qui est à peu près clairement défini, c'est de se maintenir à ce niveau de compétition, c'est de former des joueurs pour éventuellement arriver à aller jouer dans des centres de formation, rejoindre des clubs professionnels. Comment le projet il est mis en place par toi et justement Zachary? Et comment il est proposé aux joueurs en début de saison ? Comment ça se passe ? Tu parles du projet de jeu ? Ben, le projet sportif, le projet de jeu, le... Bah déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'on essayait de garder une majorité, puisque je fonctionnais un peu comme Zach aussi, donc ça m'arrangeait. Mais on essayait d'avoir une ossature qui était composée, allez, à 80% au moins, au minimum, des effectifs déjà issus du club. Donc on essayait d'avoir un recrutement qui était ciblé. Ensuite, dans ce recrutement ciblé, il y avait plusieurs choses. Il y avait évidemment le poste, là où on avait des carences. Donc là, on allait chercher des gamins qui parfois se présentaient à nous sans qu'on ait rien demandé, ce qui c'est un peu un don du ciel, mais bon, ça nous est arrivé. Et on leur exposait très clairement notre projet. Le projet, il était simple. Une saison en 19 nationaux, dans telle poule, donc l'Est ou la poule Nord. Ça a été beaucoup plus précis sur la poule Nord, parce qu'on savait que ça allait être beaucoup plus difficile que sur la poule Est. Non pas que les équipes soient moins bonnes dans la poule Est, hein, c'est pas du tout ça. Parce qu'il y a beaucoup plus de centres de formation dans la poule Nord. C'est beaucoup plus compliqué au niveau de leur qualité. Et donc, du coup, on leur expliquait que voilà, la priorité, numéro un, compétitivement parlant, c'était d'assurer le maintien. Ensuite, on n'avait pas de limite si en Gambardella on pouvait aller loin, il n'y avait pas de limite. Si on pouvait jouer les premiers rôles en 19, il n'y avait pas de limite. Si on pouvait pousser des joueurs à aller jouer déjà en national chez nous, ben, on les aurait poussés aussi, il n'y avait aucune limite à ce niveau-là. On avait le discours du directeur technique, qui était aussi le coach de l'équipe première, Vincent Bordeaux, qui aujourd'hui d'ailleurs se trouve au Red Star, et qui lui aussi nous poussait à vraiment insister sur les gamins et à nous les envoyer dès que possible. Donc on avait vraiment ces missions-là, et puis après on avait le manager général qui nous accompagnait également, donc on avait voilà ces objectifs-là, et c'était assez carré. Et après, sur la présentation du projet, c'était assez simple, parce que c'était des gamins qui étaient déjà issus de 17 nationaux à l'époque, donc qui avaient envie de jouer à ce niveau-là. Donc c'était assez facile au niveau sportif. Et sur le projet formation, voilà, on leur disait clairement, si on reçoit une opportunité pour vous, sachez qu'elle ne vous sera pas cachée, qu'on vous tiendra bien évidemment au courant. On vous autorise à y aller. La seule chose qu'on demandait, c'était si jamais il y avait une opportunité qui n'était pas passée par le club, on voulait être au courant. C'est tout. Et après, au niveau de la politique et du projet, quand on recrutait des joueurs de l'extérieur, comme je disais, c'était ciblé. Et ensuite, par rapport à ces joueurs-là, évidemment, on leur exposait le projet. Qu'est-ce qu'on attendait en 19 nationaux au niveau sportif? Qu'est-ce qu'on attendait au niveau du club de cette équipe-là? Et on a eu de bons joueurs qui sont arrivés. Parfois, comme je l'ai dit, des dons du ciel parce qu'on ne s'y attendait pas. Mais voilà, c'était ça globalement. Comment tu as dit, une saison à ce niveau-là, c'est extrêmement lourd, c'est beaucoup d'implications, c'est ouais, des charges de travail importantes pour les joueurs. Comment, la question elle est une nouvelle fois large, comment on maintient un niveau de performance sur une longue saison comme ça, en tant qu'entraîneur pour Zachary, en tant que toi dans ton rôle d'adjoint, et comment on fait en sorte que justement, au-delà de maintenir ce niveau de performance, ils vont en plus essayer de les faire progresser pour éventuellement tirer le meilleur d'eux-mêmes pour, si possible, leur faire atteindre soit les meilleurs résultats, soit éventuellement d'intégrer un centre professionnel. Alors, c'est vrai que c'est vaste, mais globalement, on a beaucoup insisté sur les projets intrinsèques de chacun quand on a fait les entretiens individuels. Donc, on leur demandait qu'est-ce qu'ils souhaitaient faire, où est-ce qu'ils voulaient arriver. Donc, l'objectif, c'était de leur dire, voilà, ton projet, c'est ça. Donc, tu veux aller du point A au point B. Nous, on peut t'aider dans ce sens-là. C'est quoi un exemple de projet, si je peux me permettre? Par exemple, on avait un petit gamin qui, aujourd'hui, joue chez nous. J'ai le droit de donner les noms ou pas? C'est toi. T'es pas obligé. Ok. C'est un gamin qui arrive de 17 nationaux chez nous, qui est issu du club, qui, clairement, a un projet qui est bien clair, qui est bien défini, qui dit, voilà, moi, je veux faire deux saisons en 19 nationaux. Si je peux en faire qu'une et intégrer la nationale, c'est mieux. Mais voilà, moi, mon idée, c'est de rester au club, d'aller jouer en première et de travailler le mieux possible pour arriver le plus vite en équipe première. Donc, on sait qu'on a 2 ans avec lui. On se dit, ok, banco. Donc pour nous, le projet est clair. On lui a présenté aussi ce que nous, on voulait faire. Ça, nos projets respectifs arrivent en corrélation, donc tout va bien. On travaille, et au moment où tu sens que la charge de travail est lourde, que l'enchaînement des matchs ne se passe pas forcément très bien, parce que c'est un niveau qui est extrêmement difficile, et nous, même si on s'est maintenu sur les deux saisons, ça a quand même été des saisons compliquées. Tu parles beaucoup avec eux, t'as beaucoup d'échanges, t'essayes de faire en sorte que tout soit le plus limpide et le plus clair possible, qu'il n'y ait rien qui soit caché, parce qu'à la première... petite pierre sur le passage, ça peut tout chambouler. Donc, on essaie de faire en sorte que tout ce qu'on dise, tout ce qu'on fasse, tout ce qu'on leur propose soit le plus clair possible, le plus proche de leur projet, le plus proche de notre projet également. Et c'est beaucoup de rabâchage. Beaucoup de rabâchage, c'est-à-dire qu'on parle énormément avec eux. Même pendant les séances, c'est-à-dire que pendant un exercice ou par exemple sur un 15-15, quand tu vois qu'il y en a un qui est en train de lâcher, tu peux lui mettre une petite piqûre en lui disant « t'as envie d'aller là, donc bouge-toi ». Et parfois ça marche pas parce que voilà, t'as plusieurs facteurs qu'on contrôle pas, notamment tout ce qui est facteur privé, on a du mal à déceler, même si on échange énormément. Moi, je connaissais très très bien la vie de mes joueurs et je trouve ça important parce qu'au-delà d'être des joueurs, c'est des êtres humains en construction. Tu formes de futurs adultes, de futurs citoyens. Donc, t'as un aspect social aussi qui est énorme. Et quelque part, comme je te disais au début, même si c'est des garçons qui sont beaucoup plus grands, malgré tout, ça reste comme si c'était tes enfants à toi. Tu leur souhaites le meilleur et t'essayes de faire en sorte de leur apporter tout ce que tu peux leur apporter au plus. Ça me permet de faire le lien, Baptiste. Ouais. Là, on y venait, là, il y a une question qui me trotte l'esprit depuis un petit moment. Qu'est-ce qui, selon toi, évidemment, il n'y a pas de réponse parfaite une nouvelle fois, je l'ai déjà posé justement à un podcast que je partagerai probablement dans pas trop longtemps, à mon avis, à Kevin De Jésus, que tu connais bien, qui est dans une structure professionnelle, mais au même niveau de compétition que toi, dans un rôle assez similaire. Et la différence, la question que je lui ai posée, évidemment, il n'y a vraiment pas de bonne réponse, c'est qu'est-ce qui fait selon toi par rapport à l'expérience que tu as vécue, l'expérience que tu es en train d'emmagasiner, qu'est-ce qui fait la différence selon toi entre un joueur qui va peut-être jouer à ce niveau-là, ce qui est particulièrement une bonne réussite, c'est presque un athlète de haut niveau, et le joueur qui va aller plus haut, le joueur qui va probablement... Ok, signer un contrat, certes, mais c'est pas une fin en soi, et qui va éventuellement pouvoir performer encore à un plus haut niveau. Déjà, pour moi, la première de ces caractéristiques-là, ça va être la volonté. Mais quand je parle de volonté, je parle d'une vraie volonté. Pas la personne qui se dit « demain, je veux être pro ». C'est celui qui va tout mettre en œuvre, et quand je dis « tout », ça englobe, et je sais que tu le sais, un certain nombre de facteurs. C'est vraiment celui qui va tout mettre en œuvre. N'hésite pas à rentrer dans les détails. N'hésite pas. Alors, si je dois rentrer dans les détails, déjà, il y a tous les facteurs qui sont liés au football. On peut parler de l'aspect mental, tactique, physique, technique. La compréhension et le lien social que tu peux avoir avec ton staff, qui je pense est elle aussi importante, pour te conseiller, parce que t'en as toujours qui voudront faire plus, mais qui feront plus mal, parce que mal conseillé. Donc, bien être entouré, je parle que du football, sur les quatre aspects qu'on a cités, et puis il y a tout le contexte. C'est-à-dire que tu vas voir comment ça se passe à l'école, comment ça se passe en famille, comment ça se passe dans ton milieu professionnel si tu n'es pas encore dans un centre de formation, si tu dois gérer un travail, plus le foot, plus ta famille. Toutes ces petites choses-là, la nutrition, l'hydratation, le sommeil, on sait très bien qu'aujourd'hui, tu as des gamins qui fument. Tu vois, toutes ces petites choses-là, tout ce qui peut paraître être un détail peut devenir un grain de sable dans le rouage de ta réussite. Et ça, notre rôle à nous, en tout cas, c'est d'amener les gamins, en tout cas pour notre structure qui n'est pas professionnelle et qui n'est pas un centre de formation, c'est d'amener les gamins à comprendre que ce petit grain de sable peut te faire péter le rouage. Et c'est de les amener à prendre conscience que chacun des détails que tu vas peaufiner tous les jours, à un moment, ça va forcément t'amener quelque chose de positif. Et c'est quoi, t'as mentionné le fait d'être mal conseillé. C'est quoi à ce niveau, au niveau dans lequel tu es, c'est quoi être mal conseillé? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ah, là tu sens que ouais, le joueur il est en train de mettre en place quelque chose sa défaillance est en train d'arriver. Ouais. J'ai différents exemples qui n'ont pas forcément de lien les uns entre les autres, mais qui peuvent expliquer ce genre de défaillance. Par exemple, je te parlais tout à l'heure du petit gamin qui était arrivé de 17 nationaux avec nous et qui s'était blessé parce qu'il avait un prépa physique à part, autre que celui du club, et qui faisait énormément de travail en plus. Sauf que le prépa physique en question, il prend pas en considération les charges de travail qu'il a vécues au cours de la semaine avec son club. Mmh. Et en fait, il lui fait faire des exercices qui amène à un moment à ce qu'il se pète. Et ce gamin-là, du coup, il subit une opération, alors que concrètement, il n'aurait pas dû. C'est un gamin qui était en pleine possession de ses moyens, qui était bien affûté physiquement, sauf qu'il en a fait trop, et des gens lui ont dit que ce serait nécessaire d'en faire plus, et le problème, c'est qu'en faire trop, justement, il s'est pété. Et il n'y a pas que ce genre de choses. Il y a aussi, par exemple, des gens qui vont te conseiller en disant « Ouais, mais tu sais, si tu restes ici, tu vas être bloqué, tu devrais mieux aller là-bas. » Et ils vont te payer ça, ils vont te faire ceci, ils vont te faire cela. Un peu des vendeurs de rêves. Le problème, c'est que ces vendeurs de rêves, à côté du discours de ton coach qui, lui, est plein de sincérité et plein d'attention positive envers toi, bah forcément, si je te dis « Ouais, je t'offre la PS4 » et l'autre, il te l'offre pas, tu te dis « Bon, bah... » C'est quand même bien ce qu'il me propose de l'autre côté. Sauf que c'est un vendeur de rêves et derrière, en fait, il te coupe des opportunités que tu n'auras peut-être plus au cours de ta carrière. Mmh. Parce que tu as été mal conseillé, parce que ton entourage fait que le contexte dans lequel tu vis, fait que parfois tu es mal conseillé. C'est des exemples qui sont différents, mais qui peuvent être liés dans le sens où ça peut faire une défaillance dans ton cursus et ta progression. D'accord. Le fait de penser être déjà prêt, par exemple. On avait un gamin qui pensait qu'il était déjà prêt pour jouer en national. Il s'avère que même en jouant un match en réserve, il se rend compte par lui-même qu'à un moment, il n'a pas le niveau. Et au début, ça l'a frustré plus que motivé à progresser. Il ne comprenait pas. Et ça, c'est ce genre de rouage-là qui peut faire que ça peut te faire exploser en vol, alors que tu as à la base les prérequis pour théoriquement avoir un parcours qui va être intéressant pour toi. Ça me permet de faire le lien, Baptiste, par rapport à ton expérience durant ces 2 ans. Tu as parlé notamment, il y a un gouffre entre 3 niveaux, notamment à ce niveau, enfin, durant ces niveaux de compétition, les niveaux des équipes que vous pouvez affronter. Justement, ça ressemble à quoi un match selon ton expérience face au centre professionnel, face à une équipe U19 d'un centre professionnel? Ça ressemble. Est-ce que tu peux me mettre un peu en contexte? Ça ressemble un peu à quoi? Bah, je vais te donner un exemple qui va être très parlant pour toi. Tu vas comprendre tout de suite. Une des premières journées de championnat de U19 nationaux dans la poule Nord, donc la deuxième saison, on a un groupe essentiellement composé pour nous, pour notre équipe de première année. On doit avoir 2 ou 3 deuxième années. On avait décidé de miser pour faire une troisième saison, en fait, et construire sur que des deuxième années. Et va à Lens. Lens, on est extrêmement bien reçu. Extrêmement bien reçu. Face à Lens. Sur un terrain en herbe. Comment ? Face à Lens. Face à Lens, oui. D'accord. Tout à fait. Ouais, okay. Extrêmement bien reçu. On joue sur un terrain, c'est un billard. Les personnes qui sont donc attends moi je t'avoue là, je vais abuser un petit peu, mais tu n'hésites pas si je me trompe, mais en gros match le dimanche, ouais, réveil à 6h du matin, faut prendre le bus, Ouais. C'est ça, c'est le bus. Ouais, tout à fait. D'accord, c'est le bus. Là, c'est un groupe de, bah, j'imagine, 15-16 joueurs, non, 14-15 joueurs, éventuellement Ouais. 3-4 personnes du staff à peu près, je ne sais pas. C'est ça. Ouais, D'accord. c'est ça. Ok. Et là, départ à 6h du matin pour Lens, pour arriver sur Lens, c'est quoi, vers 9-10h à peu près, pour un coup d'envoi à quelle heure? Alors concrètement, en fait, on part très tôt le matin pour pouvoir arriver vers 11h tous les week-ends quand on va à l'extérieur à un campanile. Tu sais, c'est les Ok, chaînes exact. d'hôtels. Ok, ouais. Et en fait, Pour un on coup manque là-bas. d'envoi, pour un coup d'envoi 14 heures? Ouais, à peu près, c'était toujours dans ces eaux-là. En fait, D'accord. l'objectif, c'était de manger dans la ville et être à proximité du terrain à 10-15 minutes en bus, quoi. Pourquoi Campanile? Pourquoi? Parce que le club avait réussi à avoir un arrangement avec Campanile dans les différentes villes qui composaient notre championnat. Et du coup, c'était plutôt pas mal parce qu'on avait le droit également un menu de sportif. C'est-à-dire qu'on Parfait. avait. On avait ce que mangerait un sportif avant un match, quoi. C'est génial ça. Tu commences avec des crudités, tu manges pas des viandes qui sont trop lourdes, généralement c'est des viandes blanches. Tu as quelques féculents qui sont cuits comme il faut cuire, parce qu'il faut le préciser. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se font des pâtes, mais malheureusement, la cuisson fait que l'index glycémique n'est pas le bon. Et du coup, tu n'as pas de gain. Mais ça, faut le savoir. Donc du coup, tu avais vraiment quelque chose qui était mis en place Faut pour les cuire al mettre dente. les joueurs dans des conditions. Faut les cuire al Comment? dente, c'est ça? Théoriquement, oui. Ouais. Le voyage en bus, ça se passe comment? Généralement, les petits dorment à 6 D'accord. heures du matin. Okay. Ils font les fous pendant, allez, je vais abuser jusqu'à 8 heures, et de 8 heures à 11 heures, tu les entends plus. Et il se passe quoi pour le staff technique à ce moment-là, ce voyage, c'est l'occasion de quoi? Alors nous, on adorait, c'était regarder on avait les matchs de nos équipes adverses, on avait beaucoup de matchs de nos équipes adverses en vidéo et on regardait justement les caractéristiques de l'équipe qu'on allait affronter. Ok, Et on se est-ce faisait que... beaucoup de replays sur nos propres défaillances. C'était beaucoup, beaucoup d'échanges. Ouais, Ok, mais c'était très agréable. excuse-moi de t'avoir coupé, hein. J'aime bien, Non, t'étais il n'y a parti pas de sur, problème. du coup on arrive sur place, on va manger, etc. Excuse. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Bah, du coup, donc concrètement, pour te donner, parce que l'objectif, c'était de donner la différence, enfin, ce que moi, je vivais dans un match 19 nationaux, donc je vais y Ouais. arriver. Donc, déjà, tu es accueilli comme un prince à Lens, Lille aussi, hein, mais voilà, dans ces centres-là, tu es accueilli comme un prince. On te fait visiter les installations. Les mecs étaient super sympas. Tu joues sur un terrain, c'est un billard. Et voilà. Donc, t'as tout pour faire un grand match. Maintenant, sur le terrain, c'est une autre histoire parce que, comme je te le disais précédemment, c'est des joueurs qui ont beaucoup plus d'années de travail en centre de formation que toi, qui ont beaucoup plus d'acquis techniques et tactiques que toi. Et donc, pour faire très très simple, au vu de ce qu'il y avait en face, concrètement, ça faisait des matchs où eux, ils avaient énormément la possession de balles, où ils avaient des cheminements qui étaient répétés, répétés, et tu le sentais qu'à l'entraînement, c'était très, très travaillé. Et il y a une fluidité dans le jeu que tu ne peux pas avoir avec tes 19 parce que il n'y a pas autant d'années de travail derrière ensemble, sur le même groupe, à répéter, dans un projet de jeu qui est bien défini, depuis un certain temps auprès du club. Et tu sens qu'il y a une grande différence. Donc, concrètement, on avait passé une grande partie de la saison à travailler physiquement et mentalement. Et nos matchs, concrètement, il faut pas se cacher, on n'a jamais été meilleur tactiquement et techniquement. Sur certains points, on a été meilleur à des moments pour gagner des matchs. Mais aujourd'hui, tu te dis si tes centres de formation, voilà, tu gagnes techniquement et tactiquement. Quand tu es amateur, tu gagnes parce que au niveau du combat et au niveau mental, tu es prêt. Parce que vraiment, tu es prêt. Il n'y a aucune équipe dans les deux poules qu'on a vues qui physiquement et mentalement était plus forte que la nôtre. Je dis pas qu'on était meilleurs, mais il y en avait pas une qui était plus forte que nous. Et c'est grâce à ça qu'on se maintient. Parce qu'on savait pertinemment que techniquement et tactiquement, ça allait être difficile. Et qui plus est, quand c'était, parce que quand ils nous montaient une génération de joueurs qui étaient moins jeunes, on va dire que ça nous arrangeait pour le jeu, parce qu'on pouvait poser un peu plus le jeu. Quand c'était des mecs de notre âge, ça commençait à devenir plus compliqué. Quand c'était des mecs qui jouaient déjà en CFA ou en première, impossible. Là, tu passes ton match à défendre. Et c'est très, très compliqué. Et là, il fallait être prêt. Et techniquement, tactiquement, tu sentais qu'en face, c'était rodé. Il y avait vraiment un sens dans ce qu'ils faisaient. Ça correspondait au profil de jeu des équipes premières. C'était très, très bien régulé. Hein. C'est totalement différent quand tu es un club amateur. Et comment on les prépare, les joueurs, alors? Quand ils arrivent, on leur présente la poule, ils savent. C'est des gamins, ils vont chercher les informations à ce niveau-là. Ils vont regarder, parfois ils ont des copains qui jouent dans le club parce qu'ils ont signé un an avant ou des choses comme ça. Ils vont chercher les informations. Ils savent très bien que tous les week-ends, c'est la guerre. Et quand je dis c'est la guerre, c'est vraiment la guerre parce que c'est des matchs qui se jouent à des détails. À ce niveau-là, c'est des détails. Il n'y a plus de... Tout le monde sait faire un contrôle, une passe, tout le monde sait frapper, tout le monde sait mettre une transversale. T'as des choses qui sont quand même acquises, mais ça se joue au détail. La moindre erreur de placement, le centième de seconde au démarrage, c'est le détail qui fait que tu gagnes ou que tu perds le match. En tout cas, sur les deux saisons qu'on vit avec Zach, il n'y a pas une fois où il y a une équipe qui nous a écrasés. Vraiment écrasés. Les scores qu'on prenait, c'est le maximum qu'on ait pris, c'est 2 buts d'écart. Et ça se jouait sur des détails. Et dans ce contexte-là, malgré cela, le plaisir est permanent. Le plaisir, il est permanent parce que parce qu'on ne fait pas que bosser physiquement. Quand on est à l'entraînement, on travaille aussi nos cheminements. On essaie de tendre vers ce qui se fait en centre de formation avec moins de temps. Avec bien moins de temps. Mais c'est ce qu'on essaye de faire. Quand tu vois qu'ils arrivent à mettre le pied sur le ballon, à commencer à jouer, à essayer d'avoir un jeu qui tend à se rapprocher de ce qui se fait, entre guillemets, dans un centre, pas copier leur style, mais à avoir du jeu. À plus être à 30% de possession, mais peut-être à 45-55 en termes de possession. Tu commences à te dire « Ah, c'est chouette ». Tu commences à prendre plaisir parce que tu sens aussi que les joueurs sont contents de jouer et de pouvoir montrer ce que eux aussi sont capables de faire. Et là, ça devient juste génial. Quand tu gagnes un match, c'est juste exceptionnel. Et la gambardella, c'est pareil. En fait, quand on rencontre Lens au premier match, on se dit c'est très fort. Match de championnat, c'est très fort déjà. C'est une génération mixte, c'est-à-dire que c'est des joueurs de notre âge plus des joueurs un peu plus jeunes. Quand on les joue en gambardella, c'est des joueurs de notre âge plus des joueurs qui jouent déjà en CFA. Donc le niveau de jeu, il est déjà plus le même quand on les rencontre. On perd le match de championnat, mais on gagne le match de gambardella. Parce que en plus, t'as l'effet coupe qui fait que voilà, ça te booste. Mais entre Lens et Lens, championnat et gambardella, tu n'as pas la même équipe, t'as pas le même match. C'est un niveau de jeu qui est bien plus élevé en gambardella. Parce que t'as des mecs qui sont bien meilleurs, qui ont encore plus de vécu, qui ont déjà joué en CFA et tout ça. C'est juste impressionnant. Moi, gambardella, je précise, si je dis une bêtise, tu me rectifieras, que c'est la Coupe de France pour les joueurs de ce niveau-là, de cet âge-là. C'est ça, ouais. C'est toutes les quatre, enfin, c'est tous les... C'est les U19 de tous les clubs de France qui se rejoignent pour jouer une compétition absolument prestigieuse, pour le coup, à ce niveau-là. C'est ça. Mmh. Du coup, je fais le lien, Baptiste. On s'approche tranquillement de la fin, quand même. Ouais. Mais je sais qu'il y a encore des questions qui vont demander, quand même. On n'hésite pas à partager parce qu'elles vont rester extrêmement intéressantes. Tu la connais, comme tu l'as mentionné, j'en viens à l'aspect mentor. Du coup, la question, en général, je la pose comme ça. Je dis, Bah, est-ce que Baptiste, il y a eu des mentors sur ton parcours, quels ont eu, ils ont eu quels impacts ils ont eu sur toi? Et puis, je voudrais surtout faire un focus par rapport à l'expérience dont tu mentionnes avec Zachary, peut-être faire aussi un focus sur votre relation et peut-être aussi mentionner de cette relation, de cette expérience de 2 ans, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu peux nous partager à ce niveau-là? Par rapport à la relation de mentor, déjà, comme j'en ai parlé, forcément, ouais, Zachary, c'est une sorte de mentor. Parce que il te prend sous son aile avec plein de bienveillance. Il partage énormément d'expériences qu'il a vécues avec toi pour te donner des comparatifs à ce qu'il vit aujourd'hui, pour te montrer que ce qu'il a vécu avant et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas la même chose. Puis il te met à l'aise parce qu'il te permet de travailler dans un super environnement. Il te permet de prendre les choses en main, de t'affûter, entre guillemets. T'es un espèce de diamant un peu brut et en te faisant faire les choses, en découvrant, en corrigeant, en échangeant, en participant aux compétitions avec lui et tout ça, tu finis par être un peu plus taillé, un peu plus poli, un peu plus ressemblant à un diamant, quoi. Et tu t'affûtes avec lui. Et puis la relation que tu noues, c'est plus qu'une relation de travail, ça devient une relation d'amitié. Donc tu as à la fois cette espèce de... Ouais, c'est un peu on pourrait dire le sensei. Tu as beaucoup d'affection pour cette personne, il te permet de découvrir d'autres aussi méthodes d'apprentissage, d'autres manières de gestion des joueurs. Quelles sont les, Il justement à ce niveau-là, quelles sont les leçons que tu pourrais partager, que tu pourrais me partager, qui pourraient comme ça, moi, je pourrais apprendre de cette expérience-là? Quelles sont les, pas, trois, Ouais. quatre leçons que tu aurais apprises Je vais te raconter une anecdote, c'est un truc intéressant. Il y en a énormément que je pourrais partager parce que c'est un puits de connaissances, quoi. C'est un mec où tu peux aller chercher. Mais il y a un truc qui m'avait marqué, par exemple, c'est un jour en Gambardella, justement. Donc après avoir éliminé Lens, on joue Strasbourg. Et Strasbourg, c'est à ce moment-là, c'est une très belle équipe qu'on avait joué la saison passée dans la poule Est. 19 nationaux, et c'est une très belle équipe qui arrive, et on est en difficulté sur la première mi-temps. Et je me souviens qu'à la mi-temps, il arrive, et sincèrement, je me suis dit, il va leur mettre une soufflante. Il va leur mettre une soufflante, il va leur souffler dans les bronches, et ils vont repartir comme des guerriers, et on va y arriver. On était confiants sur le match parce qu'il y avait des choses positives, mais il y avait quelques trucs à corriger. Et en fait, on arrivait dans le vestiaire, il s'assoit, et il parle tout doucement. Mais quand je te dis tout doucement, j'ai l'impression qu'il chuchote. Et je me dis, en fait, je comprends pas sur le moment, tu vois. Et à certains moments, il varie sur l'intonation qu'il a. D'un coup, il se met à parler fort et il se remet à chuchoter. Donc voilà, je parle pas pendant la mi-temps, j'écoute parce que ça m'intéresse et ça m'intrigue en fait. Et en fait, en rediscutant, par la suite, après le match, il me dit en fait, l'intonation que tu vas mettre dans ta causerie, elle peut générer certaines choses. Et en fait, je voulais, en parlant doucement, quasi chuchotant, les rassurer dans ce qu'ils faisaient de bien. Et en haussant un tout petit peu le ton, en mettant un peu plus de ton, sans crier, hein, simplement en modulant les intonations de voix, insister sur ce qui me paraissait important et ponctuel à mettre en place pour la deuxième mi-temps. Et c'est impressionnant de voir à quel point il maîtrisait cet exercice d'orateur, et à quel point ça pouvait être efficace. Et c'est une parmi les milliers de leçons que j'ai pu recevoir avec lui d'ailleurs, qui était juste incroyable, quoi. Mais c'est une leçon parmi tant d'autres. D'accord. Ok. je peux. Est-ce que, tu sais, est-ce que tu t'as parlé de diamant brut? Est-ce que tu serais capable, avec un petit peu de recul, de voir justement, tu sais, à quel point bah, ça a pu te permettre d'évoluer, sur quel domaine notamment, bah, sur l'élocution, sur le domaine oratoire, mais est-ce qu'il y a d'autres domaines sur lesquels tu peux te dire, ok, non, cette expérience a été un véritable apprentissage? Ouais, il y en a beaucoup. Après, je pense que ton apprentissage, il est en mouvement perpétuel, c'est-à-dire que tu progresses tous les jours. De ton début, de tes débuts en tant qu'éducateur dans ton premier club, ta première séance, si tu notes un petit peu, moi j'aime bien noter, j'avais gardé mes cahiers, d'ailleurs je les ai laissés chez mes parents, mais je notais beaucoup ce que je changeais, ce que j'apprenais, ce que je devais modifier. Et en fait, quand tu reprends de zéro tout ce que tu as vu, tu te dis que bah, t'as évolué sur plein de points. Puis tu as acquis de l'expérience, tu as engrangé énormément de formations, que ça soit les formations fédérales, le STAPS, moi ma formation de préparateur physique, avec plein de profils professionnels qui m'avaient énormément conseillé. Forcément, tu changes. Et ce changement, je pense que quelque part, même si tu peux pas tout absorber de parfait, parce qu'à un moment, on est sans cesse en train de changer, tu t'essayes d'absorber tout ce qui te semble positif et qui te semble être nécessaire à être un éducateur, en tout cas, qui soit bon. Et tu continues de changer. Encore l'année dernière, je sais qu'avec mes petits U13, je continue d'apprendre parce qu'il y a des moments, je me dis, voilà, peut-être que là, à un moment, il faut que tu sois moins collectif dans ton discours et plus individuel avec le joueur. Peut-être qu'il faut que tu parles un peu plus avec tel ou tel type de profil parce que ça a des retombées qui sont positives sur ton collectif. Je suis sans cesse en mouvance, toujours, et puis dans les échanges que tu as avec les gens, tu apprends plein de choses tout le temps, en permanence. Et c'est hyper important de se dire que voilà, tous les jours, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu vas être en mouvance et tu vas essayer d'améliorer. Tu veux être une meilleure version de toi-même tous les jours, en fait. Et c'est important. Du coup, tu as fait la transition. Du coup, la question, je vais la poser différemment parce que la fameuse question que j'ai l'habitude de poser par la suite, c'est justement comment tu fais pour progresser. Tu viens globalement d'y répondre. Est-ce que tu as oublié quelque chose? Parce que justement, j'allais te poser cette question, comment tu fais pour progresser au quotidien? Et si jamais ce n'est pas le cas, si jamais on considère que tu viens d'y répondre, ce que j'ai globalement l'impression. Est-ce qu'il y a moyen de revenir un peu sur justement les écrits que tu as mis en place, c'est-à-dire ça correspond à quoi? Bah, par exemple, pour te donner un exemple concret, si tu pars simplement football, quand tu regardes une séance que tu as pu faire, des fois tu te mets des annotations. Enfin, moi je m'en mettais parfois. Je disais, bah là, cet exercice-là, il a moins fonctionné. On était dans tel contexte, tel contexte, tel contexte. Il faisait froid, les joueurs étaient tous là. Il y en avait qui avaient une grosse journée d'école, c'était compliqué. Et un jour, tu retentes cette même séance, mais dans une situation qui est différente. Et là, tu te rends compte que pourtant, tu n'as rien changé à la séance et ça marche. Donc toi, t'en tires des conclusions, t'en tires des connaissances et tu essaies de te dire, bah, par exemple, jouer beaucoup au ballon quand il fait froid, ça évite les joueurs, bah, c'est des choses parfois qui sont toutes bêtes, hein. Mais ça évite aux gamins parfois de s'ennuyer, d'avoir froid, de plus avoir envie de jouer. Ou quand tu as une conversation avec un joueur qui a fait une prestation qui était bonne, mais il y a un truc qu'il faut que tu lui dises. Par exemple, les théories de psychologie, quand on dit ouais, il faut faire le sandwich, donc tu dis qu'il a fait quelque chose de bien, t'amènes quelque chose qui est moins bon et que t'aimerais qu'il progresse, et derrière tu lui remets une couche de bien, t'essayes de voir comment ça fonctionne, au lieu d'avoir un discours qui est tout de suite direct en disant bah écoute, moi j'aimerais bien que tu proposes sur ça, que tu bosses sur ça, alors que il avait fait un bon match en soi. C'est des toutes petites choses à chaque fois, c'est le petit grain de sable que tu dois enlever du rouage ou le rouage que tu dois ajouter à ta mécanique pour que ça soit plus fluide en fait. Et est-ce de faire en sorte que, surtout, ouais. ne jamais se dire que t'es arrivé. Ça, pour moi, c'est le plus important. Si tu te dis que voilà, c'est là je suis bon, t'es foutu. Tu n'y arriveras plus. Est-ce que il y a des lectures, des sources d'inspiration? Est-ce qu'il y a des sites web? Est-ce qu'il y a des endroits où tu vas te former, où tu continues à, où t'as des méthodes ou des trucs en ligne, où t'as, je sais pas, où est-ce que tu vas, peut-être, je sais pas, où est-ce que tu, comment tu fais, je sais pas, est-ce que t'as des trucs à me conseiller, des petits tips là, des petites astuces? Je pense que dans là-dessus, moi j'ai pas de médias favoris, je suis pas un gros lecteur. Maintenant ça m'arrive de lire des bouquins. J'aime regarder la télé, j'aime aller sur internet, fouiller un peu partout. Et en fait je pense que c'est vraiment chercher à garder la curiosité qu'on, à un moment on a tous eu de la curiosité je pense en tant que coach, et c'est continuer de maintenir cet état de curiosité permanente pour aller chercher des trucs qui parfois n'ont rien à voir et qui finalement peuvent te servir sur toi en tant qu'éducateur. Par exemple, je sais pas si tu te souviens, à un moment Monsieur Pichon il nous avait conseillé un site qui s'appelle PubMed, je sais pas si ça te parle. Alors, monsieur Aurélien Pichon, notre prof de physio. Physio, anatomie, prof d'escalade. Ouais, ouais. Est-ce que c'était des. En recherche C'est que des publications médicales. Que des publications médicales, exactement, je m'en souviens, oui. Et en fait, des fois, t'arrives à extraire des trucs en recherchant. Tu arrives à extraire des trucs de publications médicales qui sont vraiment ciblés, ouais, à quelque chose que tu pourrais éventuellement appliquer un peu, si je puis dire, en dehors de cette étude-là. Tu te dis, est-ce que moi, je pourrais pas transposer ce qui a été vu ici sur une étude que je pourrais mener Comment s'appelait le site? Moi-même. Comment? Comment s'appelle le site? PubMed. Ouais, c'est bon, je m'en souviens, exact. Ouais. Et après, bah voilà, t'as tous les vestiaires, le magazine vestiaire, t'as coach adjoint, t'as beaucoup en ce moment, comme il y a eu le confinement, t'as aussi beaucoup de gens qui ont fait des échanges, notamment il y avait Philippe Ollier qui utilise, il me semble qu'il est créateur du site coach adjoint, que j'utilise beaucoup. Oui. Qui échangeait avec d'autres personnes, donc je les écoute aussi, tu vois. Et j'aime bien, par exemple, je suis arrivé sur ton podcast que j'ai écouté. J'aime bien écouter un ancien de nos collègues qui fait des débriefs sur les matchs du FC Barcelone. Je pense que tu vois qui c'est, du coup. Ça te parle, Lelo? Ah non, je ne savais pas. Non, je ne savais pas. Il aime bien faire des débriefs. Et c'est sympa, c'est une autre version de comment je pourrais dire ça, d'un débat foot. Ok, en fait. je vais te enfin au pire tu mettras ça par message et puis je le partagerai sur notre ouais, pas sur de soucis. Sur le podcast. C'est sympa, ce qu'il fait. Bah ouais, c'est ok, non, j'irai faire un tour par curiosité, oui, exact. Voilà, après c'est beaucoup, et après comme je te disais, bah c'est garder la curiosité, aller voir, parler avec les gens, discuter des méthodes, voir s'il y a des nouveaux trucs. Voilà, c'est que de l'échange en fait, c'est tout le temps de l'échange. C'est on amène quasiment, enfin j'en arrive quasiment à la dernière question. Bon, on y a quasiment répondu, mais est-ce que j'aurais oublié quelque chose que tu souhaiterais partager, ou en particulier que j'aurais peut-être oublié de poser la question, ou évidemment il y aurait plein de choses hein, à discuter encore, hein, et puis je m'en ferai un plaisir, mais ouais, bon. Ouais. On pourrait faire d'autres podcasts sur d'autres sujets, non, mais après, ça. Voilà, c'est un parcours parmi tant d'autres, et voilà, c'est la richesse de l'échange, c'est surtout ça. Moi, j'ai adoré écouter tes autres, et j'ai appris plein de trucs, même à connaître des gens que... ou plutôt à réapprendre à connaître des gens que je connaissais déjà. C'est... Voilà, l'échange, c'est la richesse. Je... Je suis franchement, vu que là on s'en rend pas compte, mais ça fait 2h40 qu'on parle. Moi, je vois pas de temps passer, mais c'est pas nouveau. Et bah, j'ai encore appris plein de choses. Et je suis quasiment persuadé que je ne serai pas le seul. Non, c'est Donc, normal, mais après, on n'a pas tout. L'avantage de ce confinement, on peut dire ce qu'on pense, mais c'est que ça nous a permis quelque part de nous recentrer sur certaines choses Ouais. et surtout d'avoir un truc qui est précieux, c'est le temps. Le temps. On a du temps pour faire des choses, on a du temps pour discuter, pour voir nos familles maintenant, puisqu'on est en déconfinement, mais on a vraiment du temps et ça, c'est précieux. Précieux. Tu prêches complètement à converti. Moi, je me suis fait un plaisir incroyable à repartir. Vraiment de repartir à la découverte de personnes que je pensais connaître et qui finalement, bah, Bah ouais, plutôt non, mais que moi, de... c'est. Ouais, non, mais c'est ce qu'on C'est disait, mais pareil. plutôt que... Enfin, il n'y a pas plutôt, il n'y a pas de meilleure méthode, mais c'est vraiment une démarche personnelle. Je me suis dit, c'est vraiment intéressant d'apprendre de tout le monde, de Pep Guardiola, de Jürgen Klopp, de ce que font les éducateurs chez les jeunes, que ce soit au Barça, enfin, au FC Barcelone, au PSV Eindhoven, à l'Ajax Amsterdam, Benfica, Standard de Liège. Enfin, vraiment, j'essaie vraiment d'aller chercher sur les réseaux sociaux, sur les, comme tu dis, dans les publications, des publications médicales ou dans les autres disciplines ou sur vestiaire ou sur coach adjoint ou les, vraiment et tout. De tout le monde. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais et autour de moi, il y a quand même des personnes qui ont un sacré parcours. Hein. Je pense que je suis peut-être pas Ah ouais. obligé d'aller tu sais, au fin fond du monde pour apprendre des choses. Donc, bah, comme tu dis, je me suis recentré un peu dans un cercle un peu plus proche. Et puis je me suis dit, bah, peut-être qu'ils ont un peu de temps à partager. Moi, je serais curieux d'en connaître un peu plus sur leur parcours. Et puis, si jamais ils souhaitent, on pourrait le partager. Et puis, bah, nous voilà à discuter pour redécouvrir un peu ton parcours. Bah ouais, mais c'est après moi je te dis voilà, c'est comme ça que j'ai appris à redécouvrir des gens que je connaissais déjà et même à en découvrir d'autres que je connaissais pas et qui ont aussi des parcours qui sont parfois similaires, parfois complètement différents et leurs parcours ils sont riches parce que c'est des enseignements qu'on n'aurait peut-être pas forcément vécu nous dans nos situations et moi quand j'écoutais tes podcasts je me disais ah, c'est drôle parce que je voyais pas les choses comme ça et c'est plein de connaissances en fait à acquérir. Alors là, moi je me régale. Depuis que j'ai commencé, ça fait maintenant presque plus de près de 10 mois que je suis sur le projet. Et franchement, là, j'ai Moi vraiment pas j'adore. l'impression de. Ça fait un moment donné, j'ai pas l'impression de. Enfin, c'est pas. Bref, c'est un plaisir en fait, vraiment un plaisir. Moi je te dis, j'ai hâte que tu sortes les prochains, là j'ai envie d'écouter, même Kevin que tu me disais tout à l'heure. Ouais, Kevin, j'ai c'est. hâte d'écouter quoi. Ouais, c'était. J'ai Ouais. On s'est vraiment régalé aussi. Ouais, mais ça donne, moi, pour moi, c'est surtout l'occasion de confirmer que le plaisir de partager, il est réciproque et que ça pourra peut-être éventuellement donner lieu ultérieurement à peut-être un nouvel échange, sûrement, probablement même, peut-être de cibler un peu plus, effectivement, peut-être les différentes ouais. idées dont tu as mentionné, peut-être d'aborder un sujet en particulier. Ça peut être pourquoi pas à plusieurs aussi, ça peut être c'est des idées que j'ai en tête pour faire progresser mon modeste partage vraiment et puis de moi d'apprendre de plus en plus de monde sur différents sujets. Bah ouais, après c'est en plus c'est intéressant des fois de comparer le point nos points de vue en tout cas sur un sujet qui semble acquis pour tout le monde et de voir que finalement Complètement. tu vois je parle par exemple c'est si tu lances un sujet de sur la formation du joueur, qu'est-ce que toi t'entends par formation du joueur et de voir qui fait quoi, qui fait comment, etc. Et c'est drôle parce que on veut tous, on fait pareil. Comment? De voir que, par exemple, si tu te dis, tu lances un sujet en disant, voilà, j'aimerais qu'on discute chacun de ce qu'on imagine être la formation d'un joueur, et de voir, d'inviter plusieurs personnes et de discuter, de savoir ce que les gens font pour eux, pour former un joueur, quels sont leur structure, s'ils en ont ou pas, qu'est-ce qu'ils font pour pour former et de voir quelles vont être les différences, alors que tu te dis que finalement on veut tous la même chose, c'est former le meilleur joueur possible, mais on fait pas la même chose, on n'utilise pas les mêmes techniques, tu vois. C'est drôle, c'est absolument ce genre de choses, tu peux le faire. Au regard des parcours, au regard des rôles dans les structures, au regard des pays, au regard de la sensibilité, absolument. Ouais. Bien sûr. J'en viens à ma dernière question, Baptiste. On l'a à peu près abordé en préambule. Quels sont les projets Quels sont un petit peu les projets sur la suite de ton parcours? Et un peu qu'est-ce que je peux te souhaiter de mieux? Déjà par rapport au projet, donc comme je te l'avais dit précédemment, je sais pas si les gens l'entendront ou pas, mais en tout cas voilà, je ferme la page l'histoire, l'aventure de Sannois Saint-Gratien, et je m'engage sur un nouveau projet auprès de l'AS Saint-Ouen l'Aumône sur une catégorie U20 élite. Et c'est à la fois un projet mi-formation, mi-compétition. Donc ça me convient bien. Alors, qu'est-ce que tu peux me souhaiter par rapport à ça? Je sais pas. Je sais pas trop. Non, c'est bon. Du bien, c'est parfait. Ouais. C'est parfait. Que du bon. À la rigueur, la petite, la Saint-Ouen-l'Aumône, donc toujours en région parisienne, tu précises toujours au cas où. Et puis à la rigueur, parce que moi, j'en avais entendu parler, mais je ne sais pas si tout le monde est au courant, notamment ceux qui ont quitté la région parisienne, éventuellement la France depuis un petit moment, parce que on va dire que depuis mon expatriation au Canada, je me suis fait un tout petit réseau là-bas. Et je sais qu'on a l'occasion d'être écouté et ça pourrait peut-être les intéresser, éventuellement peut-être des francophones en Belgique si jamais ça arrive là-bas, ou en Suisse, ou ça peut être même en Afrique ou au Maghreb, parce que c'est des personnes, j'ai notamment eu des podcasts que je partagerai prochainement, parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec des parcours justement qui sont partis de l'Afrique, qui ont voyagé un peu partout dans le monde, donc je me suis régalé à ces occasions-là. Est-ce que tu peux parler un peu juste en clôture, parce que tu l'as abordé là, de la catégorie U20, parce que c'est une nouvelle catégorie, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc là, la catégorie U20, en tout cas, sur la ligue de, donc la région, elle est divisée en deux catégories, donc il y a élite 1 et élite 2. Nous, on évoluera sur la catégorie élite 1, donc qui sera le plus haut niveau de compétition de cette catégorie-là. Ça, c'est un changement de cette année. En fait, globalement. Hein. Comment ? Ça, c'est un changement de cette année. Élite 1, élite 2 ? Oui. Non, c'était déjà l'année dernière. D'accord. Puisque Sannois Saint-Gratien évoluait en élite 2. D'accord, c'est la deuxième saison. Ok. Voilà, c'est la deuxième saison au niveau région. Il me semble qu'il y a certains districts qui ont fait des demandes, des clubs auprès de leur district pour avoir des U20, mais au niveau départemental. Je ne sais pas si ça se fera parce que c'est un peu compliqué ces derniers temps vis-à-vis du Covid, etc. Mais globalement, l'idée c'était de ne pas perdre ces générations de joueurs qui quittaient le monde des U18, U19 et qui pourrait avoir des difficultés à s'adapter au monde senior, qui est quand même une marche relativement difficile pour certains en tout cas, à appréhender. Et l'objectif, c'était vraiment de créer un niveau de compétition qui soit important, de manière à garder ces joueurs pendant 1 ou 2 ans et de les préparer au monde senior et arriver dans les équipes de leur club respectif. C'est vraiment dans un objectif encore de formation avec un niveau de jeu de compétition qui soit quand même élevé. Donc voilà, ça a été créé récemment. J'espère en tout cas que dans le projet que nous on a à Saint-Ouen-l'Aumône, en tout cas on arrivera à former un maximum de joueurs pour avoir une équipe majoritairement composée de joueurs qui sont issus du club. Je l'espère. Parfait, Baptiste. Merci beaucoup. Je pense que tranquillement, on peut arriver à conclure. Okay. Merci pour ton temps, merci beaucoup. Bah, c'est ça, on en a pas mal discuté, je me suis régalé. Je sais pas, tu aurais peut-être un dernier mot de la fin avant que je conclue l'épisode sur peut-être un truc que j'ai oublié ou. Ouais, fais-en plein. Franchement, fais-en plein d'autres. C'est ton podcast, c'est une idée géniale de pouvoir découvrir des parcours différents de gens qui en fait nous ressemblent, qui sont pas forcément déjà au niveau de Jürgen Klopp ou Pep Guardiola, mais c'est super enrichissant de pouvoir, même en tant qu'auditeur, de pouvoir écouter le parcours de chacun et de pouvoir en piquer les meilleurs. Ce qui peut nous paraître à nous essentiel, entre guillemets, c'est vraiment très agréable. Et... Écoutez-le, moi je les ai tous écoutés et j'espère que tu vas vraiment en faire plein d'autres. C'est cool, merci beaucoup. Rendu accro à ton podcast. Parce que moi je ne peux pas, alors je le précise, je n'arrive pas, puisque tu l'as proposé. Tu as dit oui, il faut, si vous avez du temps, écoutez-le en plusieurs fois. Moi, une fois que je suis dedans, c'est mort. Hein. Je ne peux pas faire en plusieurs fois. Je l'écoute d'une traite. Ouais, j'ai l'impression que je vais rater quelque chose si je l'arrête. Ouais, on m'a dit, ouais, sur des épisodes comme ça, des un peu longs, essaye de les couper, faire en deux fois. Moi, je suis parti du principe, je préfère donner. Et puis là, si la personne, elle veut écouter en plusieurs fois, bah, elle peut. Si elle veut écouter en une seule fois, elle peut. Bah, oui. Chacun fait comme il le sent. Ouais, chacun, mais non. Non, mais en tout cas, ouais, c'est une vraie, ce que tu as fait, c'est une vraie bonne idée et j'espère que tu en feras plein d'autres. Ok, merci beaucoup, Baptiste. Et du coup, merci à toi d'y contribuer parce que si personne ne souhaitait partager, du coup, ça servirait pas à grand chose. Et donc, heureusement que bah, y a des personnes comme toi. Ah, on partage, hein, mais après, j'ai vu que tu avais mis sur plusieurs plateformes, donc j'essaie de partager comme je peux, mais. On va continuer de partager parce que j'aime bien. C'est ça. J'aime bien ce que tu fais, c'est vraiment très très riche. Cool. Merci beaucoup. Si vous êtes en train d'écouter cette conclusion, sachez que vous avez bientôt tenu presque 3 heures et je tiens à vous féliciter à ce propos. Évidemment, merci à Baptiste pour son temps une nouvelle fois. Et si cet épisode a pu être intéressant pour vous, n'hésitez pas à le partager autour de vous, balancez ça sur Snapchat, sur Messenger, sur Facebook, sur WhatsApp et autres Snapchat. Et comme vous le savez, on retrouve ça, ce contenu, sur différentes plateformes de podcast et même sur YouTube. Si jamais vous souhaitez continuer l'aventure, comme vous le savez, on se retrouve toutes les 2 semaines le dimanche, je balance un nouvel épisode. Et pour le prochain épisode, eh bien, je suis parti à la rencontre d'un globe-trotteur, d'un coach-trotteur. Il a pris ses ballons, il a pris ses dossards, il a décidé d'aller à la rencontre des personnes qui n'avaient pas forcément accès facilement à du matériel et à des entraînements de football. Et il s'est dit, je vais aller entraîner là-bas. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.